En direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 7 de la saison 2015-2016 de la soirée du podcast. L'alignement départ pour le podcast de ce soir, le numéro 75, JF Comp, le numéro 21, Dave Thibodeau, le numéro 98, Alex Galipo et le numéro 31, JF Mallette. Yeah! Yeah! Oui, c'est pareil comme la jasette. Ça ressemble à l'intro de la jasette. Hey, des avantages numériques ce soir, messieurs. Double pénalité, Alex Cromp qui n'est pas là. T'es à Montréal. Je suis pas venu, je suis à Montréal. Jet set. C'est tellement loin. T'es allé boire de la bière? Ben, probablement, parce que c'est pas ça qu'il faisait ici de toute façon. Non, c'est ça. Faire changement, dans le fond. Je peux pas croire que Martin va manquer le podcast dans lequel on va parler de John Scott qui s'amène à Montréal, malheureusement. Je pense que Mart a un rhume des gosses. Ouais, il faut qu'il y ait une grippe d'homme pour manquer ce show-là. Je fais l'enrhumé. Et je vais filer vers l'avant-match. On est revenu sur le vieux iPad. Hein? Les habitués du drinking game vont boire probablement pas mal ce soir parce qu'on est revenu sur l'iPad 1 temporairement le temps que je transfère tous mes 100 effets qui me manquaient dans le nouveau. Ouais, là, il est temps que tu fasses de quoi. C'est pas la joie. On est cheap. Alors, comme à chaque début de podcast, donnons les positions du pool. Dive! C'est quoi la position dive? On va commencer par une petite gorgée de bière. Toujours bon de commencer avec un silence, là, tu sais. Alors, dans le pool de la soirée du podcast sur marqueur.com, la première position. The first star. Doug Jordan. Doug Jordan. Ah, c'est pas une joke, ok? Non, il s'appelle vraiment Doug. Lui, Doug genre, Rimmer. Je savais même pas qu'il y avait un gars qui s'appelait. Il est arrivé de nulle part. Ouais, j'ai jamais vu, même des positions comme première. Puis Doug Jordan, boum, t'as non, mais c'est fou cette année. Le dernier podcast, il y en avait un qu'on avait jamais entendu parler dans les positions qui est arrivé deuxième ou premier. Ouais. Ça bouge pas mal. En deuxième position. Alex Galipo de la soirée du podcast. En troisième position encore de la soirée du podcast, Alexandre Cromp. Represent. Quatrième position, Jason Cavallaro. Et cinquième, Sébastien Giacometti. Et ensuite, JF Cromp, 9e. Yeah, je suis dans le top 10. Mart est 16e. Puis moi, puis Mallette, on est fucking loin. Genre 35 puis 38. Là. Moi, j'ai pas JF, là. Fais tes trades. C'est pas facile. Ouais, les trades. Trade. Ouais, mais hey, Mallette, sérieux, là. Nous autres, je pense, c'est parti puis perdu. Là. On peut pas venir. Pour dernier pour avoir le first pick. Mais il faudrait être moins bon que Jean-Sébastien Chapelot. Puis Yannick Lambron. Oh, on s'excuse. Jeff Chaplot, ouais, c'est fini. Quoi, 295 points de retard? En passant, le gagnant du podcast l'année passée, Jacques Germain, est 37e. Fait que, tu sais, Il a reçu son prix. Il a reçu son finalement, prix. Finalement. On est des hommes de parole. C'est très long, mais ça fait on est slow, mais Chris, on tient nos promesses. Ouais. Et on lui a donné un petit bonus pour le délai d'attente. Qui poste une photo de lui avec le chandail. Il est exposé, je pense qu'il a oublié. Ouais, mais c'est souvent. Ouais, qu'est-ce qu'il a reçu, Dave, comme package de compensation? Là, un t-shirt, bien évidemment, oui. De la soirée du podcast. Des sous-verres, donc un set de deux sous-verres qu'on lui a envoyé, c'est cela, que vous voyez très bien en audio. Qu'on utilise nous-mêmes. Ben, je monte vers la caméra, là. Écoutez-nous sur YouTube. Et des insultes. Des insultes. C'est vrai. Et dernier truc avant de commencer le podcast, on vous invite à suivre frénétiquement les mallettes enquêtes qui sortent comme ça à chaque semaine. Là. JF, t'as rien de te mettre dans le trouble, je pense, avec tes vidéos. T'as trop d'informations privilégiées, tu devrais faire attention à ce que tu dis. C'est des informations sensibles, ça. Ouais, le monde appelle chez nous puis il raccroche quand je réponds. Moi, je me checkerais, man. Ouais. Alors, c'est hashtag mallette enquête. Moi, t'es sur le bord, t'as fait « conseil ». Sont sur notre YouTube, puis éventuellement on va les mettre sur le site dès que j'ai plus que 3 secondes de libre. Tu vas te ramasser à un moment donné, tu vas te faire des babinés, Twist. Des babinés? Ouais. Par babine? Bof. Le gars dans la série noire. Par babine. Hein? Le gars de série noire, babine. Ah, qui est beau, spoilez pas, j'ai pas vu encore. Qui c'est? Oh. Babine? Non, je l'ai enregistré pas. Ok, t'as enregistré babine. J'ai enregistré série. Ok. C'est bien compliqué, Calis. Ouais, on commence-tu le show? Non, et donc? Commençons. Il faut que je fasse. Il faut que je pèse vraiment beaucoup d'avance pour que ça marche. Je parlais que tu dis commençons, pèse. Je vais peser avant. Ça. Commençons la partie. Alors, on commence la première période ça commence, maintenant. Go. Oh. il s'est rendu. On dirait qu'il boude l'iPad depuis que je l'ai laissé à rétro nouveau. Il est encore plus slow qu'avant. Fif. Il est russe. Fif. Alors, Récapitulatif des derniers matchs. On a perdu! On a perdu! Toutes les games! C'est tout! Toutes les games? Oui! Wow! Fin du résumé. Je pense qu'on a cumulé juste un point. Ah, on a un peu, ouais. Ben oui, exactement. Mais je vais le passer, ça va être vraiment rapide. Là. Le 9 janvier, on a perdu contre Pittsburgh, une défaite de 3-1. T'es plat. 14 janvier, une défaite contre Chicago de 2-1. T'sais, pas des grosses marges quand même. Ouais, 2-1. Saint-Louis, une défaite en prolongation de 4-3. C'est là que vient notre point. Point. 17 janvier, ça a moins bien été contre Chicago, 5-2. Oui. Puis 19 janvier cette semaine, contre Boston, une défaite de 4-1. C'est mauvais. Je pense que ça intéresse plus le monde de dire que je bois une Kissmeyer PLL. Hey, Kissmeyer. Kissmeyer. Kissmeyer. Voulez-vous faire des plus moins sérieusement ou on s'en sac? Parce qu'il n'y a pas vraiment de plus. Il y en a des plus. Ben oui, Byron. Pourquoi? Parce qu'il y en a plein de plus. Daniel Carr pour avoir tourné au mineur malgré que c'était le. Mon seul plus, honnêtement, ça serait probablement Byron pour elle. Byron, puis à la limite, un Condon, tu sais, plus ou moins. Là, mais même pas un plus un plus moins normal. Ah, lui, c'est comme un even. Un B moins. Un B moins. Ouais, tu sais, c'est correct. Puis les moins, correct. Ben, on finira plus. Ouais, c'est ça. Regarde, on fera pas de tour de table. Pour vrai, on va passer à la période. Un plus, c'est Carl Byron. C'est Carl Byron. Ben, Carl, il a dû jouer une game cette semaine-là. Ouais, ben, ça serait encore un plus. Ouais, c'est ça. Il mérite un plus. Puis il mérite un plus. Peut-être Bargerio mérite. C'est pas bien ça, Barberio. Bargerio. T-Bag. C'est son nom dans le journal de Montréal. Ouais, mais. Barberio, j'avoue. Pas Alex là-dessus. Il va me ramener là. Puis il va dire que c'est pas de la faute du gars qui a. Damn right. Barberio, là. Chris, de shot au dernier match. C'est au dernier match. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, ouais. Nasty shot, mon gars. Un beau setup. Beau goal, man. C'est un beau setup. C'est un beau goal. Il est surprenant, cette carte. Hey, man, j'en ai un, moi, mon gars. Un plus? Un moins. Ouais. C'est pas dur, là. Markov, man. Ça fait partie d'un point que je voulais amener. Mais justement, Jeff, tu m'as dit que t'avais des stats pour la première période. Pas au point de le huer au Centre Bell, là, mais... Non, puis ça, on va revenir en deuxième. Mais... Tu sais comment on était motif. Il est terrible. Ouais, man, Jeff le sait aussi comment on était motif. C'est comme ouf. On parle de M. Mallette ici, très émotif. T'as rien crié dans son chat. Je voyais pas notre chat. Je voyais pas notre chat. Une chance, je t'ai pas montré ma chat. Non, le chat privé Facebook, la soirée du podcast, c'est beaucoup plus intense que le podcast. Imaginez. Là. Ouais, j'aime ça vous faire parler. Ouais, ta gueule. Tu dis, t'es sérieux. Comme quand tu cries dans ton chat parce qu'il y a des échanges de John Scott. Ouais, là, tu m'en pas à pendant tout. T'es un gars émotif. Ouais, j'étais un partisan. Ok. t'es pas rien qu'un partisan. Je suis un fan. Je suis un partisan avec un S à la fin. T'es un passionné, partisan, fafan. Fafan. Pour revenir à ton moins. Là, tu veux pas nous quoter Quentin, toi, là? Non, je quote pas Quentin, je quote la presse plus. Donc Quentin. moi, c'est la défensive au complet. On sait que notre problème, c'est de marquer des buts, mais je pense que le gros problème, c'est la défensive. C'est tout. Solide en plus. Hey, check ça, des stats. Problèmes. Défensive, offensive, but, goaler, coach, le gars qui amène les gourdes, tout le monde. Attention. Okay. Attention. Premièrement, là. Attention, ce message contient des noix. Et voilà. Des rachides. Savez-vous, c'est qui est premier dans les revirements dans NHL? Piqué Subban. Et oui, avec 60. Ouais, c'est fou, Red, man. Markov, 8e. Markov, il doit être c'est ça. Avec 50. Markov est d'un premier. Fait que notre premier paire en début de saison est la pire des revirements dans NHL. Ça, c'est 118 revirements pour la première paire du Canadien de Montréal. Ça suit de. La première paire. Jeff Petrie. J'aime toujours bien juste avoir rien qu'un paire. Toujours avoir une bonne paire, moi. Ouais, mais c'est pas. Mr. Poutine. J'aime avoir deux paires. Ouais, l'homme qui t'arrête de me scraper la santé, là. Ben oui, Jeff Petrie, il est 14e. Et puis, Alexis Yemlin est 15e. Ça, c'est ton top 4 en début de saison. Ça va bien. Ouais, sauf que et tout, parce que les forwards, des fois, vu qu'ils sont un peu trop hauts, ben, c'est ça qui arrive. Les gars essaient de faire une passe, c'est-tu, à l'autre bout, la longue shot. Puis pourquoi ils sont trop hauts, les maudits dump and chase, qui ont pas aller chercher comme du monde? Puis ils veulent aller scorer. Coupé dans le milieu! Ils jouent pas dans leur zone. On a comme changé notre stratégie. Ouais, on dirait qu'on est. La panique, avant, on était rapprochés, là, on était éloignés. Avant, on était à 5. On pouvait voir les 5 gars, là. Les alliés, t'es vous plus, là? Non. Comme eux autres, ils attendent sur le bord de la ligne. Ouais, comment la passe? Puis c'est ça qui arrive dans ce temps-là. Puis on peut pas vraiment chialer sur Condon parce que, tu sais, c'est sûr que s'il y a des revirements dégueulasses de même. Moi, je chiale un peu des fois parce qu'elle laisse une fois de temps en temps la petite facile qui me fait chier. Ouais, mais le pauvre gars qui est comme. C'est le tiède, je sais. C'est pas lui qu'on peut blâmer le plus. Non, je sais, mais c'est juste, ça me fait chier des fois qu'il en laisse passer une facile, mais avec son taux d'efficacité, il y a quoi, 918? Ben, c'est ça. C'est supposé gagner des games quand même. C'est ça, c'est pas tout de sa faute. Non, c'est juste que des fois, tu le petit shot au-dessus de l'épaule, ça m'agace. Ouais, mais ça a été deux puis tu as l'épaule. Un shot dans des jambes. Ça arrête au-dessus de la tête. Mais si je ne me trompe pas, là, dans la liste des défaites qu'on a là, il y a juste une game qu'on a marqué plus que deux buts. Hein? Oui. Non, deux games. Il y a une game qui a eu deux buts, une game de trois buts. Après ça, c'est un but, un but. Ah, mais c'était tout Carr, puis Byron, puis Barbario. Barber. Oui. Il y a Pacioretty qui s'était réveillé pendant la fin de semaine désastreuse de la semaine passée. Là. Notre moyenne de but depuis le mois de genre décembre. C'est genre 2. Même pas. 1.94. Ouais. Mais la game qu'on a perdu 4-3, là, qu'on a failli gagner, c'est qu'on a perdu en prolongation. Là, c'est le réveil de Pacioretty, de Plekanec. C'était quoi la super... Le lendemain, c'est quoi la super stat cette semaine? Là? Je pense que depuis que Price est parti, on a 6 victoires. Là, on a fait la même. Calvaire. Il a joué 12 games. Là. Fait que c'est depuis le début de la saison, dans le fond. Là. C'est qu'on a 6 victoires. Et tabarnak, ça va pas bien, là. Non. Puis quand il revient après, il va rester 24 victoires, games. Les 6 victoires, probablement que sur les 6, il y en a eu 3 que c'était Condon quand Price a manqué au début. Il y en a une qu'on était présent. Ouais. Puis j'inviterais les gens à nous donner de l'argent pour aller au Centre Bell pour pouvoir espérer aller en série. Les deux fois que j'étais là contre New Jersey, on a gagné. Ah ouais. À chaque fois, je suis là. Toi, mais oui. Mais c'est la haute direction, puis les joueurs nous écoutent, fait qu'ils ont peur de nos commentaires. Ouais. Donc si on est là... Ils sont mieux de marcher derrière. Plus d'impact que Michel Therrien qui sont de gros autobus. Là. Sinon, vous call out. Sinon, vous call out. Ouais, ça va venir tantôt, ça aussi, j'ai l'impression, les call out. Ouais. J'ai deux points, en fait, de la première période. Là. Je pense que vous avez d'autres choses à dire sur les games qui viennent de se passer. Ou autre, c'est tellement déprimant. C'est plate. Comme... Ça me dérange pas quand j'en manque une game à cette heure. Ouais, non, c'est mais tout, je l'écoute plus que peu au complet. Sérieux, là, je suis vraiment un fan qui écoute le hockey, mais quand l'équipe. Oh, on a une saison record dans le mauvais sens, dans le sens que c'est pas arrivé depuis les années 40 que le Canadien ait autant de défaites, là, collé de même. C'est dégueulasse. C'est, moi, là, c'est comme switch back c'est and comme, forth. Là. J'écoute une game, là, puis je suis comme, je viens en tabarnak. Je suis comme, je suis comme décollé. Parce qu'il n'y a rien de positif. Tu vois même pas un petit brin. Là, on score, puis tu sais, comme, on va se faire la dernière game, c'était contre qui la dernière game? C'était contre Boston. Du tout, je l'avais oublié. Contre Boston, là. Je regarde la game au début, ça part, man. Les 3-4 premières minutes, c'est comme waouh! On bombarde. Eux autres, ils ont une chance de marquer, ça rentre dessus. Ça a duré 3-4 minutes. Mais après ça, une chance de marquer, ça rentre dessus. Fini, man. Mais il y a une game qu'on a fait comme 49 tirs là-dedans aussi. Là. C'est contre Chicago. Non, pas contre Chicago, contre. Les Blues. Il n'y a pas tant des mauvaises performances que ça. On dirait qu'ils jouent tellement avec le bâton serré. Plus ça va, plus ils vont être stressés, plus ça va aller mal, j'ai l'impression. Puis ils ont pas de fun, on dirait. Ben non, mais c'est sûr que quand tu perds tes games, t'as pas de fun. Surtout à Montréal, là, que tous les médias sont après toi. Puis... Pas juste ça. Ouais. Je veux pas, tu as une fierté en tant qu'athlète. Là. C'est sûr, t'as pas de fun, c'est capoté. Tu sais, je veux dire, t'essayes tout le temps d'en faire trop, de dire, ok, moi, je vais pas gagner à pas que je vais aller scorer, puis ça marche pas. Mais faudrait qu'il tombe à la base. Ben, c'est tout le problème avec les Canadiens. C'est simple, mais. C'est comme Bergevin disait, il avait raison là-dessus, t'as peur de faire l'erreur. Tu veux pas que ce soit toi qui fasse causer le but, tu sais, c'est pas tout. C'est ça, ils vont tous jouer avec le bâton serré. C'est ça. Fait que, tu sais, scrapons donc la saison, si Price n'est pas pour venir. Ben ouais, on peut pas faire ça, scraper une saison. Je veux dire, en tant qu'athlète professionnel, tu dis, ah, ben les gars, on va perdre. Oublie ça. Non, mais tu peux. Non, mais moi, où je vois dans le même sens que toi, c'est. Tant qu'à ramener Price cette année. Ils n'ont pas de gros échanges. Mais pas juste ça. Tant qu'à ramener Price cette année, laissez-les genre se préparer, se guérir. Ouais. S'il y a besoin de se faire opérer, whatever, laissez-les. Ramenez-les pas, ça donne ça, rien. Ça, c'est ça pour cette année. Tu peux pas demander au gars de perdre, mais tu fais plus aucun move. Non, mais tu fais pas de trade. Je ramènerai même pas à part peut-être le temps de débarrasser de contrat. Plus tard, cet été. Là, présentement, ils valent rien. Non, mais mettons que la date limite, on devient vendeur, on pourrait se débarrasser d'une coupe de choses. Ah, ouais, ça, je le ferais. Mais je veux dire, je ferais rien pour améliorer l'équipe d'ici à la fin de la saison. Non. À moins que tu réussisses à faire un trade, justement, qui va. Mais ça dépend si le propriétaire est d'accord. Un besoin pour un besoin. C'est mais, ça. Pas pour aider ta saison cette année, pour te dire que dans l'avenir, ça va être un bon ben, truc. C'est ça, il faut que tu penses à l'année prochaine. Tu sais, genre, mettons, tu veux te débarrasser genre d'un on va dire, un Plekanec, un Markov, un joueur comme ça, pour aller chercher un besoin que tu as dans ton équipe contre une équipe qui a besoin d'un joueur de ce type-là. Oui, je le ferais. Mais pas pour dire que cette année, ça va m'aider, mais pour dire que l'année prochaine puis les années à venir, là, ça va être bon. Mais là, ça donne à rien. Il faut que le propriétaire de l'équipe puis soit en mode. Honnêtement, il faut qu'il soit par prêt rapport à ça. Il soit dit OK, c'est beau. T'sais, fais-les. Puis il dit si Marc Bergevin va voir Jeff Molson puis il dit on va faire ça, il faut qu'il se dise OK, c'est beau parce qu'il sait que la saison est finie. Tu repenses. Ou sinon, il dit non, il faut absolument faire. Fais ce que tu as à faire pour faire une série. Mais le Bergevin a l'air d'être dans la mentalité que non, on garde le team, on garde le coach. Puis si ça arrive qu'on se plante, fuck, on va se planter. Ouais, sérieux, là, son point de presse là, qu'il a fait cette semaine. Ouais, j'ai fait l'extrait pour la deuxième. Je l'ai aimé, man. Juste un affaire, par exemple. Ça nous calme les nerfs. Marc, non, ta barbe, là, what the fuck? Bon, c'est à moi. Non, c'est parce que. Mais c'est de la what the fuck. Je me rase pas jusqu'à temps qu'on gagne. Fait... non, mais si je peux. Il arrête pas de se une pinche ici. Si je peux donner un scoop pour la barbe à Marc Bergevin, c'est parce qu'il s'était promis qu'il se raserait quand on aura deux victoires d'affilée. C'est ça que je disais. C'est ça sûr, vrai, c'est mais oui, mais. Ça, c'est du mallette enquête tout gratuit. Mais tant qu'à gaspiller la saison, montez donc les jeunes comme Carr. Laissez-les là. Laissez-les apprendre. Tant qu'à scraper un peu. Non, mais des fois, c'est pas bon d'emmener les jeunes dans une situation perdante. Non, mais tu veux pas voir de la ligue. Non, mais t'apprends. Tu vas apprendre. Ouais. Tu sais, comme mettons McCarron. Mais ça peut détruire ton moral et tout. Là, ben, ça, ben, pas nécessairement. À l'inverse, que tu fais descendre à moins d'erreurs, c'est pas mieux non plus. T'sais. Carr, là, qu'est-ce qu'il a fait pour descendre en bas, lui? Il était super bon. C'est le meilleur scoreur de l'équipe pendant un bout. C'est pas c'est lui qui a décidé ça. Dans le fond, avec les commentaires que Terry a dit, j'imagine que c'est les raisons qu'ils ont données. C'est qu'il manquait d'énergie. Puis il fallait qu'il retourne là-bas, peut-être. Il a commencé à ralentir. Je voyais comment. Quelque chose de ralentir. Même. Puis en même temps, mais il y a besoin d'avoir un gars qui était plus gros parce qu'il allait jouer contre des gros teams dans l'Ouest. C'est pour ça qu'ils ont appelé De La Rose. Ouais, tellement plus gros. Ou c'est peut-être ça qu'ils font, là, ils commencent à monter des jeunes. C'est quand même pas pareil que De La Rose jouait, je sais pas si c'est moi. Peut-être qu'ils font exactement ce qu'on est en train de dire, donner la chance à des joueurs, font une rotation. Peut-être, c'est sûr, on sait pas. Qu'il y a une coupe de game, puis en date ça qu'ils font un peu un bout. Ben, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu gardes ça stable, parce que ça serait bon qu'on ait une stabilité au niveau des trios aussi pour promettre aux gars de pouvoir s'en prendre. Je sais que ça arrivera pas, c'est ça qui est malheureux. Ça, c'est un côté que j'aime moins de Terrien. Mais lui, il coach jamais. C'est son style. Il faut s'habituer. Ben, je pense que Manny va se faire. Ben, les joueurs, là, ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'il est là. Il doit être habitué. Là. Ils savent. Là. Ouais. Ben, je veux dire, les premiers trios, ils ont joué avec tout le monde. Pacioretty a joué avec Plekanec, avec Desharnais, avec Gallagher, avec Chucky. J'essaie avec quoi, par exemple? Manny. Gallagher, je le mettrais avec Galchenyuk. Quand ils ont commencé ensemble, c'était bon, ça. Ouais, mais je peux pas mettre Chucky au centre. Ben, à un moment donné, c'est parce qu'il faut prendre une décision, savoir qu'est-ce que tu as avec Chucky. Parce que pour de vrai, il pas un super bon centre de ce temps-ci. Il fait pas des plays. Ah, il fait des plays tout seul. Il a été matché avec qui de bien cette année? Non, mais ça... La seule fois que mettons, ça a bien été, c'était quand il y a deux games. André Gatto. C'est parce qu'il essaie toujours de faire des petites. Il joue comme un ailier. Il n'y a pas eu de bon ailier vraiment sur une période assez longue pour que ça vaille la peine de l'évaluer. Il joue toujours comme un ailier. Il joue pas comme un centre, ce gars-là. Il garde beaucoup de temps. La petite dentelle, puis tout, c'est un ailier. Ben, c'est ça. Mais un centre, c'est pas supposé garder la poque de même pour se tourner à ses ailiers. Ben oui, t'es un playmaker. T'es bon, un playmaker, man. Il va garder la rondelle. Il va pas distribuer quand les joueurs sont pas placés. Quand c'est un centre, c'est pas ça. Ces astis d'ailier se placent pas nulle part, man. Il va leur passer. Ah, il est dans le coin de la patinoire en position de pas scorer. Je vais y passer à la rondelle. Ben là, lui, il part sur le bord de la bande. Il fait tout ses petits flèches pour être mieux. Où c'est tu places, là? Ok, ben là, lui, il s'en va là. Moi, je vais me placer. Tu seras pas placé pour une passe. Semaine, ça ne l'a pas aidé en début de saison. Lars Eller, je pense qu'on peut s'abstenir. Il joue comme un allié, il devrait jouer à l'aile. Chanel. C'est pour ça qu'au junior, ils l'ont mis à l'aile. C'est un allié. Non, ce gars-là, ça je te l'ai expliqué l'autre jour. Pourquoi je veux pas le revoir. Moi, je te ils dis, l'ont c'est mis mon à l'aile opinion. À la demande du Canadien parce qu'il voulait le faire commencer à l'aile. Ça, tu n'as aucune preuve de ça. C'est des rumeurs. Ça a été confirmé par le père de Nathan. C'est ça, regarde. C'est vrai, c'est lui qui coachait le Starnia de Le Starnia? Le père de Nathan pendant qu'il se battait dans un game de balle chez Vic Colomb. Ben, c'est le club junior, là, c'est à l'Ontario. Le Starnia, c'est le nouveau Snabey. Le Starnia de Starnbean. Le Canadien, il va même faire qu'à moi, man. Le Starnia. C'est pour ça qu'Astor, il est à l'aile. Fait que c'est pour ça qu'ils l'ont mis à l'aile. Mais pourtant, quand il était au centre avec Neil Yakupov, il jouait très, très bien. Puis il a été tagué joueur de centre quand il était repêché. Junior, man. Le junior, c'est pas la Ligue nationale. Il y a bien des joueurs de centre dans le junior qui sont bons. Ils arrivent dans la Ligue nationale, c'est des alliés. Je pense que même moi, je jouerais bien avec Neil Yakupov, je suis un peu patiné. Fait que ça en dit long. Le junior, ça veut pas dire grand-chose. Ben, c'est la Benoît Brunet, dans AHL, il a fait une saison de 147 points. Ça veut rien dire. What? Benoît Brunet a fait 147 points une saison dans AHL? Yeah. Il jouait tout seul? Ouais, 41 buts, 60. Il n'y a pas de goaler dans les autres équipes. C'est fou, là. Benoît Brunet. Hey, parlons un peu de la seule échange que... Jouer avec le beau. Que Benjamin a fait dans le temps des fêtes, dans le temps du mois de janvier, dans le fond. Tin Hardy est parti. Who cares? Ce qui nous intéresse dans cet échange. Mais who cares en même temps, c'est comme si c'est ce qui s'est passé. C'est un mauvais recrutement, ça veut dire. Dans le fond, parce qu'ils ont donné. Ils ont donné genre tout. Chris, ils ont donné quoi pour aller chercher ce gars-là ils pour ont donné monter dans leur choix de première ronde puis leur choix pour de. Pour réussir à monter dans le repêchage, pour réussir à aller chercher Tin Hardy, pour finalement l'échanger pour qui? Pour un gars qu'on se calisse. C'est Victor gars, Bradley. Bartley. On aurait dû regarder le premier gars qui avait pris. C'est fucké cet échange-là. C'était bien meilleur, lui. Il y a eu un trade à trois teams. Puis nous, on a ramassé Victor Bartley. Puis on a ramassé aussi par la bande John Scott, là, qui va jouer aucun match en Canadien, j'ai l'impression. Mais Bergevin a déclaré en conférence hier qu'il y avait comme des éléments confidentiels qu'il ne peut pas dévoiler par rapport à ce trade-là. Ouais, mais il y avait comme un timeline, je pense. Il dit j'avais pas le choix de trader là. Ben, d'après moi, la raison est bien simple, c'est parce que les Coyotes ne pouvaient pas payer John Scott. Ils n'ont pas les moyens. Ils de son contrat. Canadiens ont de l'argent. Fait, bon, moi le prendre. On va prendre un NHL, ça va être un bon coach pour les recrues. Mais ben, là-dedans, il y a eu aussi l'histoire. Ce trade-là, on a sauvé 800 000. Aussi, qui ont essayé de faire on a sauvé 800 000 dans ce trade-là. Là, mais il y a aussi un affaire. Ouais, ils ont essayé de s'y jouer un cul. Parce que, ça a l'air que, parce que là, John Scott a été voté par tout le monde, comme les fans, pour être le capitaine d'une des divisions. Je ne me rappelle plus laquelle. Pacifique. Puis la Ligue a dit « Hey, mon John, s'attends-tu de pas y aller au match des étoiles, s'il te plaît? » Puis John Scott a dit « Non, c'est mon rêve, je vais aller au match des étoiles, fuck off, ils m'ont voté pour moi. » Mais au début, il avait dit non. Il avait dit au début. Mais les fans, ils ont voté pour. Il avait dit au début qu'il irait pas. Puis finalement, les fans, ils ont voté pour. On a voté pour toi, on veut que tu y ailles. Il a fait comme « Ok, d'abord, je vais y aller. » La Ligue voulait pas. Finalement, ils ont, ben, en l'envoyant dans AHL, ça l'enlève son opportunité d'y aller. Mais là, il s'est l'air qu'il va y aller pareil. Finalement, vas-y, parce que le monde sont tellement plein. Bergevin s'est embarqué dans un trade pour sortir John Scott du match des étoiles, puis la Ligue nationale a dit ben on va l'envoyer quand même. Écoute, rien. Fait que finalement là-dedans, c'est Bergevin qui a l'air d'être à terre. Fait que pendant que Bergevin. Et en plus, il est pogné à payer son petit salaire. Genre, fait moi, si je serais entrepreneur, je dirais tabarnak. Fait que pendant que Bergevin était penché pour signer le contrat de John Scott, les gars sont arrivés en arrière. Ça, ça, on sauve quand même 800 000 au total. Sa masse salariale, mais d'un livre, faut-tu le payer pareil. Ouais, c'est ça. Je pense pas que ça dérange. Je pense qu'ils ont de l'argent. Ouais, c'est ça. Ouais, combien tu veux, là? Combien qu'il coûte, là? En tout cas, John Scott ne jouera pas cette année. Ouvre le chèque. Ouvre le chèque. Si il joue, t'attends qu'il joue plus dans la Ligue nationale, ce gars. Vous avez su quel chandail va porter pour le match des étoiles? Non. Le chandail de la NHL, il ne représente même pas le Canadien. Ah ben, ouais. Okay, c'est ouais. Correct, ça. Ben, il a pas joué avec le son Canadien. Son chandail dans le Pacifique. Non, mais sinon, il y aurait trop de joueurs dans l'Est. Il y aurait trop de gars dans l'Est, sinon, là. Faut absolument qu'il joue. Non, mais il aurait été dans le Pacifique pareil parce que ça foquait l'alignement NHL. C'est pas un Canadien dans le Pacifique, si. Non. Mec, son chandail de la NHL. On serait trop petit. That's going to be funny. Parce que si jamais il faut un t-shirt du Canadien de John Scott, on va l'acheter à Martin. Ah, c'est sûr et certain qu'on va y en acheter un. Ah, c'est cool pour lui. Il va aller prendre des photos avec ses enfants puis sa femme. Ouais, puis ses enfants, c'est une belle expérience pour eux autres. Mais là, c'est ça qui arrive, c'est que sa femme est enceinte de deux jumeaux puis elle est sur le bord d'accoucher, sauf que lui se retrouve avec les ice caps. S'il se présente pas avec les ice caps, ils vont le suspendre juste parce qu'il veut comme voir Drouin. Sa femme. Genre. On en parle troisième. Ouais, là, dernier point, la première période. Parlons de l'affaire Galchenyuk, là. Oh. Ce qui a fait couler beaucoup d'encre, il a mis Jeff en tabarnak toute la semaine. Là. Oh. Parlons de Chanel. Parlons de Chanel. Qu'est-ce qui se passe? C'est une autre tramp, ça. Calais si tu sors qu'une Chanel, là, si tu sais que tu vas avoir de la merde dans quelque part. Ben ouais. C'est Chanel. Résumé l'histoire. Tu connais quelque chose. Pour elle est quoi? Elle est russe et polonaise. Son nom, c'est Chanel à Suski. Quelque chose de même, Chanel genre. À Suski. La Suski. Chanel la Suski. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Ça a juste sorti dans les médias. Puis... Ben, c'est ce qu'on voulait qu'on parle avec Jeff, justement. Le fait que ça ait sorti dans les médias puis que Galchenyuk n'a rien fait, puis c'est même pas lui qui était impliqué là-dedans. Puis là, ça... ben, hier, il était genre, impliqué. Ben, il était impliqué, oui, mais c'est pas lui qui a fait de quoi. C'est elle qui est folle. Puis hier, en plus. Ouais, là, il est venu la relancer dans un resto pendant qu'il était avec Beaulieu, Subban. Puis Subban a fait comme, il était à Galchenyuk, on décalisse. Ouais. Puis ça a sorti. C'est correct qu'il ait fait ça. Oui. Bonne affaire, si. Bon, Jeff, veux-tu faire ton call-out ou. Ouais. On y va. Ouais. C'est plus en mode pour partir, là. Bonjour à tout le monde. Premièrement, je m'adresse à 25 Stanley, GT Utah. Je pensais que tu t'en adressais à ton hostie de manteau de fourreux, y en font-tu pour homme? Non, mais tabarnak, hostie, t'es pire qu'une fille d'une cour d'école qui graffine des profs, hostie. On s'en calisse de tes hosties de rumeurs de tabarnak, des hosties de chicanes à potins de coupe qu'on s'en calisse. On n'est pas l'auditoire de Virginie, nous autres, là. On est des hommes qui aiment le hockey. Toi, t'es juste une hostie de fraude, tabarnak. Qu'est-ce que tu fais avec ton argent, calisse, hostie? Va donc t'acheter des jupes chez Croto, hostie. On s'en tabarnak de toi. Puis en plus, j'en profite pour caller out toutes les tabarnaks qui sortent des hosties de rumeurs parce qu'ils pensent qu'ils connaissent quelqu'un qui a sucé un joueur du Canadien. Fuck you, tabarnak! Vous êtes tous des hosties de mangeurs de merde! Péter mon aiguille de VU. Ouais. Bon, là, ça a piqué, mon. Ça a piqué. Désolé. Ça a piqué. Je voudrais sur le poubelle. Ça a piqué. Ben, c'est de la merde. Mais je vais comme renchérir sur le call-out à JF. Puis moi, je veux call out Patrick Lagacé puis la presse. Ben, ça, non. Ça, je suis sûr que c'est dans le fond, là, c'est la presse qui a décidé qu'on va sortir ça sur vos noms. C'est pour ça que j'ai dit aussi la presse. Parce que. C'est une chose d'avoir des blogs de rumeurs de merde à la TMZ, genre pour le hockey québécois. Ouais, ça, ils répondent à la limite, c'est correct. Il y avait une demande. Il y a du monde qui veut ça. Il y a du monde. Ils ont été achetés par V. Ils doivent avoir des clics. Le monde, il va aller voir ça. Mais Chris, c'est pas d'affaire publique de mettre ça dans la presse. Ça n'a pas rapport avec le Canadien Montréal. C'est des gossips. Fait que vous êtes rendu à genre mettre du commérage en front page de la presse. Calice. C'est drôle que c'est deux journalistes qui n'ont aucun rapport avec le Canadien. En plus, parce que les autres ne feront pas taper ses doigts ou refuser l'accès au vestiaire. Ouais. Ça, c'est la presse qui dit les gars, on va pas le voir. Mais moi, l'affaire que je trouve le pire dans l'histoire de Chanel. De Coco Chanel. Coco Chanel. Attends, ouais. Ah non, j'aurais pas dû prendre celle-là. J'aurais dû prendre l'autre. Non, c'est bon. Coco Chanel, shut your woman down. Hey, c'est que. Le témoignage de marde, man, qui a été fait Stanley? Sur ce site-là, là, c'est comme... En plus, ils ont masqué la voix de GT, mais on dirait qu'elle, c'est sa voix, le normal. Ouais, puis elle s'est pas comptée, en plus. Combien qu'il y a de personnes? Sa voix était plus grave, mais tu sais, genre, elle a vraiment une petite voix. Elle a une petite voix de même! Puis quand il y a un masque, ben, elle sonne comme une fille normale, là, mais... Tu sais... Qu'est-ce qui nous prouve que cette fille-là était là? Mais non, elle dit qu'il y avait 3-4 filles, mais pas capable de dire. Combien? Rien, non, combien? Non. Pis... pas capable de dire fuck all, mais elle était là. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Elle connaissait pas Galchenyuk, mais finalement, elle le connaissait. Elle connaissait pas Spitmelly, mais elle le connaissait. Spitmelly. Puis il était fatigué. Il était où, Devante? Oh, il était couché. Ah, oh, OK. Puis là, dans le fond, ce qui s'est passé... On a dormi dans la chambre, puis on dormait, puis là... Nous autres, là, on est chez quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais vu de notre vie, mais on va se coucher dans une chambre, là, par rapport, là. Mais whatever! Puis c'est ça, puis quand il a dit... tellement d'affaires qui se tirent pas, là. Sa blonde est venue, puis elle nous a tiré dehors, elle dit « Ah, c'est Galchenyuk, c'est pas correct, qu'est-ce qu'il a fait, là? » De quoi qu'il est pas correct? C'est pas lui qui est rentré dans la chambre puis il a sorti les filles à couper dans le cul. C'est sa blonde, asti. Ah, c'est n'importe quoi. Puis j'aimerais aussi en profiter. That's bullshit. Ça me donne le goût de vomir. Exactement. Mais j'aimerais offrir mes services pour le Canadien de Montréal parce que j'ai comme l'impression que les gars savent pas sortir. Tandis que nous autres, on a de l'expérience pour sortir. On sait comment fêter puis on est toujours responsable. Alors, je veux être le gars qui va. Je veux être leur. Donne-moi 10 000 pour sortir comme eux autres ils font. Ouais, je vais être responsable. Yes. Moi, j'aimerais ça voir comment la soirée va tourner. Ouais, mais la police va débarquer avec. J'ai même pas besoin de 10 000. Donne-moi des fonds illimités comme ça pour voir si on va être responsable. Une soirée de boys au Centre Bell puis je paye les pédales. Donne-moi pas 10 000. Si je sais même pas qu'est-ce qui va arriver de moi. Ça, j'aimerais bien savoir ça. Moi, je vais être probablement pire qu'eux autres. Non, moi, je vais être leur Dwayne Johnson. C'est moi qui vais ramasser Chanel. Tabarnak m'a ramassé, m'a entraîné par les cheveux. Crée-moi que ça se fat. Ça se fat. Ses cheveux vont sentir le bitume. Mais toutes les estis d'iPhone qui prennent des photos du Canadien, là, moi, donne-moi ton téléphone. Tu casses 102, tabarnak. Puis ben là, tu fais ça. Tu sais comment tu fais un scandale, là? Le gars qui était avec Galchenyuk qui s'est fait arrêter pour avoir volé quelque chose. Puis faire une voix de fait, man. Moi, j'engagerais les gars de Slapshot pour faire les commentaires pour les médias quand il y a des problèmes avec les filles. Chris, elle est croche. C'est une salope. Ah oui, Chris. J'ai un petit timing avec le soundboard. T'étais bon, là. Il était parfait, ton timing. J'essaie. Super. Calcule comment ça te prend de temps. C'est ça que je fais. Mais il faudrait qu'on anéantisse ces blogueurs-là parce que ça n'a pas de crise de sens. Puis le pire, c'est qu'il y a une autre histoire. Le pire, c'est que ça se multiplie, ces tabarnak-là. Tout le monde, ça fait un blog. Moi, demain matin, je vais m'appeler Joe Bocan, puis je vais faire des jokes sur Canadien. Elle allait de ses enfants jusqu'à 7 ans. Ça, c'est un autre problème. Je suis totalement en compte. Mais en même temps, tu sais, le gars, il a trouvé parce que le monde, il voulait avoir ça. À limite, c'est correct. Ouais. Il y a des blocs de marne. Allez juste pas les voir, mais passez pas ça comme des vraies nouvelles à Sty. C'est parce que c'est rendu trop sérieux. C'est parce qu'il va un petit peu trop loin avec la fille dans le char, avec la voix cachée. Ah, c'est trop gros. Ah, non, mais là, JT Utah, il est sur un Sty de ballon. Lui, là, comme j'ai eu une rumeur, Sty, checkez-moi, Bobette. J'ai été acheté par V. Je suis big. J'ai des clics sur mon site parce que je mets Eugénie Bouchard sur un site de hockey. Va chier. Oui. Mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'ils traduisent des nouvelles qui ont été informées en anglais déjà. Puis le pire, c'est qu'ils comprennent tellement mal l'anglais. T'sais, le pire là-dedans, c'est le jeune Nicolas Poulet. C'est rendu qu'une chronique à radio. Mais j'ai checké, c'était parce que je veux dire, c'est quoi une chronique à radio? Une chronique à radio. Mais quand j'ai checké, c'était quoi la radio? C'est une radio communautaire au Saguenay, tabarnak. On s'en calisse-tu? Puis le pire, c'est que lui, il se trouve crédible. Il a 23 ans, sacrément. Oh, c'est comme cette semaine, ils ont sorti une affaire comme ah, dans le temps, Price là, était pas mal payé qu'on voulait savoir. Puis là, il y aurait eu une bombe là, qu'aurait lancé Claude Poirier, mais là, on a des détails, mais on les donne pas. Ben oui. Mais ta gueule, si, c'est quoi ça, faire un article? Ah, c'est de la grosse. Moi, je pense pas que c'est une question d'âge. Ça s'appelle du fucking clickbait. C'est du clickbait. C'est pas une question d'âge parce qu'il faut que tu commences quelque part. C'est plus une question de genre. Ben, de crédibilité. De crédibilité. C'est, tu sors n'importe quoi puis tu t'appuies pas tes sources. Ton Nicolas Poulet, tout à l'heure, hier, le Benjamin dit bon, Price au moins 3-4 semaines. Non, lui, c'est 5 semaines. Ah, 5, dans mes sources, c'est 5 semaines. Mais ta gueule, si t'as pas de source. C'est parce que l'affaire, c'est que. Viens de le dire, si devant tout le monde. Selon ma source. Selon ma source, Marc Bergevin, 3-4 semaines. Hey, selon Marc Bergevin, c'est 3-4 semaines. Selon ma source, j'ai rajouté une semaine. Là, c'est 5. Il a menti. Mais moi, j'ai un de mes neveux qui a justement à peu près l'âge de Nicolas Poulet. Puis il y a des sources. Puis lui, il étudie pour être journaliste sportif. Lui, je pense que c'est de l'autre source, hein, c'est ça? Non. Non, OK. Fait que lui, tu te dis pour être journaliste. Fait que dans le fond, tu sais, je vois un peu comment accès. C'est full compliqué pour être crédible là, là-dedans. Là, t'as plein de projets à faire, tout ça. Puis il faut que tu fasses longtemps à l'université. Puis en plus, il faut que tu fasses tes preuves à la télé. Tu sais, lui, il commence, mettons, dans sa ville chez eux. Il suit son équipe. Ben non, mais c'est juste pour te dire qu'à quel point, comment qu'un gars comme Nicolas Poulet, tout d'un coup, est-ce qu'il devient Nicolas crédible? Puis qu'il y a des sources. Parce que tu vois que l'école, c'est de la merde. C'est ça. C'est pas besoin de la merde. D'aller à l'école. C'est parce que il y a de la bullshit là-dedans. Puis ça me fait chier, des crises de menteurs. T'es-tu en train de me dire que pour avoir des sources, il faut que t'aies à l'école? Non, pour avoir des sources, il faut que t'aies de l'expérience dans le domaine. Regarde tous les gars que ça fait 25 ans. Chris Renaud Lavoie, là, on a beau dire ce qu'il y a, mais il y a des sources parce que ça fait longtemps qu'il travaille là-dedans. Tu fasses un réseau de contacts. Il en a sucé des graines de style depuis le début. Là. Ah, oui. C'est pour ça qu'il est rendu à TVA Sport, d'ailleurs. Moi, je pense que c'est une bonne fin de période. Ouais, ouais, on va aller faire un refil de bière, puis on va vivre la deuxième période. On va vous laisser sur un suçage de graines. Désolé. On est retour pour la deuxième période, mais ça n'a pas bitch. Oh, faut que je rajoute du texte, parce que c'est comme ça passe mal, encore une fois. On est de retour. Bon timing. Bon, c'est le temps de faire la tournée de nos merveilleuses audios de Thierry et Bergevin. Oh yeah! On va rire. Il était très en forme, les deux, cette semaine. Dans les extraits, là, il y a du gros stock. Oh, qu'on a du beau contenu. Du bon matériel. Les deux parlent tout croche, hein? Ah, oh, mais Bergevin, les deux parlent avec ça... une patate dans la bouche. Bergevin, il est plus bon dans la gueule. Bergevin parle français. Pas avec une patate. Bergevin, ouais, il dit juste des mots pas rapport. Ouais, Thierry, il parle avec une patate. Puis je pense qu'en plus, il y a une gomme en même temps. Là. Ah, voilà, mais les deux sont. Bah, gomme et une patate dans la gueule, ça parle mal en crisse. Là. Fait que j'ai comme deux blocs, en fait. J'ai des trucs sur Thierry, des trucs sur Bergevin. On va commencer par Thierry parce que c'est lui qui est le plus vieux. C'était cette semaine. Je me rappelle plus quand il a fait c'était sa conférence. C'était la conférence après la game contre Boston. Fait que c'est le premier? C'était le 19, on est le 22, c'est un genre mardi ça. Fait que le premier, ouais, fait que c'était mardi. Il fait des sons de patates pilées là. C'est puis il s'en va là. Fait que premier extrait, Thérien nous parle de l'effort de son équipe. Alors on écoute ça ici, pendant que ça load. Avec son là. Coup de poulet. Son coup de poulet, madame. Moi, c'est pas le marque, c'est pas le fait de faire le premier Moi, ce que je regarde, c'est comment on entame les matchs. Bento, là. Encore une fois, ce soir. Ouais, on entame le match. Les gars sont déterminés. Ils ont donné ce qu'ils avaient à donner. Ça, c'est contre Boston. J'espère, honnêtement, là, j'espère personne. Qu'il n'y a pas personne qui va critiquer l'effort de ce groupe-là. Mais c'est dur. Parce que là, il faut que ça arrête. Ces gars-là donnent tout ce qu'ils ont. Ah, mais il est back, ces joueurs, man. Il est back. C'est la seule chose que je peux demander. Est-ce que l'exécution est toujours là? Non, ça arrive. Mais l'effort. Le fait que le mec compétitionne, l'amène. L'effort, 100%. 100%. Pas quand tu écoutes ce gars-là. Là, au le début, man. On repart le début, man. Hey, c'est long, on repart sur un clip. Ah, là. Le début, c'est écoute incroyable, ça. Mon gars. Comment moi, c'est pas le fait de. C'est pas le. Moi, j'ai critiqué. J'ai pas le marché. Ça en fange. Mais on dirait qu'il y a trop de joues. Hein, que les joues, genre, enflées par l'intérieur. Il se mord l'intérieur des joues. C'est ça. Comme on est tout avec son intérieur de joues. Genre... Êtes-vous d'accord avec ce qu'il dit, vous autres? L'effort à 100% tout le temps du Canadien? Non. L'effort, je l'ai vu samedi. Il back ses boys. T'en vois, ça, c'est une bonne chose. T'en vois des séquences comme, tu sais, comme Chicago, il y avait eu de l'effort. La 2-1-2-1, on s'entend. La c'est un coach. Ben après ça, c'est comme, il y a un but qui tue à chaque fois. C'est ça, ça le coupe les jambes. C'est juste que les gars, ils ont tellement pas de confiance que tu sais, quelqu'un, une petite affaire, c'est comme les genoux sont coupés. Man. Mais l'effort, non, parce que c'est un. Tu vois que c'est un coach qui back ses boys, puis qu'il est là pour eux autres, puis il va pas les blaster. Il va leur dire qu'ils ont pas fait une job. En privé, peut-être. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, devant les médias, il va les backer. Puis c'est correct. Il agit comme. Je trouvais qu'il agit comme un père. Il agit comme un père, comme un motivateur, man. Comme quelqu'un qui est. Hey, je suis là pour toi, le grand. C'est ça. Tu te tapes sur l'épaule. Yeah, je me suis couché et j'ai eu un père. J'ai eu un père. Justement, tantôt, Bergevin va parler de ce qu'il apprécie de Terrien là, dans un beau franglais incroyable, ouais, mais on va continuer sur Terrien encore. Tu sais, Terrien, le monde, il critique. Fire Terrien! Il se fâche pas assez, puis tout, mais ce monde-là, c'est juste des crises de journalistes qui critiquent ça, parce qu'ils veulent voir justement un petit scandale. Ils veulent voir un tortellini. C'est quand il va se fâcher, puis tout, ben quoi, parce que tu veux le headline, hein, tu sais, comme Terrien n'est plus capable. Ouais. On n'a plus de solution. Terrien is losing it. C'est quand tu cours, regarde. Moi, j'aime mieux qu'il soit calme de même, puis que ça se passe en chambre, puis que nous autres. T'es rien, perd les pédales. Ouais, mais tu peux quand même comprendre la frustration du monde qui écoute le Canadien, qui voit genre tout le monde super calme pendant qu'on fait juste peine. Ouais, mais gars. Puis le monde dans leur salon sont chauds, sont comme. Ah, tabarnak, là! Puis ils vont faire leur TV, là. Ouais. Faut-tu penser que si tu serais dans une équipe de hockey, qu'est-ce que t'aimerais mieux, là? T'sais? Mais imaginez-vous à leur place. Ben, c'est ça, mais tu sais, à place de se torturer en écoutant le hockey. Et écoutez d'autres choses. Si c'est vous n'êtes pas capable de l'apprendre. Ça reste une business puis il faut pas. Moi, je l'écoute quand même, même si c'est déplaisant de ce temps-ci. T'sais, je l'écoute quand même parce que je veux pas. Je veux savoir ce qui se passe puis on fait le podcast. Ouais, c'est ça. Nous autres, c'est notre travail. On n'a pas le choix. C'est ma job, là. Ouais, ouais. Je veux dire, des fois, oui, je vais écouter, j'ai vu comment ils vont jouer puis je peux coller le reste de la game. Fait que je vais changer de poste un peu. Je fais back and forth, mais tu sais. C'était un. J'aime savoir comment les gars jouent. Puis le bon côté de ça, c'est qu'on va sortir grand de cette situation-là, je pense. Ouais, ça va aider. T'sais, pour les jeunes, ils vont pouvoir dire qu'ils ont connu, t'sais, ils ont déjà vu pire. Quand ils vont connaître comme 4-5 défaites de suite, ils vont pouvoir compter. C'est ça, quand ça va être à leur tour de montrer aux jeunes comment ça marche. Et moi, je me souviens dans tel temps. Il y a déjà eu 32 games en ligne jusqu'à la fin de saison. C'est ça. En 2015, ça n'a pas bien été. Non. Et voilà. Puis je pense que les gars, dans le fond, ils vont vouloir éviter une situation pareille l'année prochaine quand ça va être à recommencer à zéro. Ben, j'espère bien, c'est yeah. Deuxième extrait de Terrien, il parle, justement, on a parlé tout à l'heure de Marco et puis des huées qu'il y a eu contre lui au Centre Bell. Ouais, ben fait de défendre. Terrien t'es pas content, alors on va écouter ça dans 5 secondes à peu près. 5, là. 4, 3, 2, 1. Dans le cas d'André, là, Marcotte. André. J'étais déçu d'entendre quelques gens de lui. Tout à fait d'accord. C'est un gars qui a 37 ans. Dans Zone Beau Select. Peu importe où. À un certain âge, là, le corps ne suit plus. Comme ça arrive à soir. Ça n'arrive pas que les matchs, mais ça arrive, ça. Qu'on le veuille ou pas. Puis j'ai été déçu. Déçu. Pas par un manque de vouloir. Pas par prendre. On connaît tous son appartenance pour le Canadien. C'est un match qui était difficile pour lui. On est tous d'accord. C'est quelqu'un qui ne mériterait pas parce qu'il a tellement fait notre équipe. Il ne mérite pas des jeux. C'est ça que j'ai eu des fans de Montréal des fois. C'est-tu qu'on était pas, quoi. On a mémoire courte. Non, mais tu sais, tout ce qui a aidé l'équipe, c'était le meilleur défenseur pendant des années. Puis là, il joue une coupe de match. On a l'air d'une hostie gang de consanguins. C'est ça qu'on a l'air. On a l'air d'une crise de gang de colons de calistes qui sont pas capables de respecter un gars qui est à Montréal depuis le début de sa carrière, qui a été genre un des meilleurs défenseurs des années modernes du Canadien. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il a Il est à un point dépassé de Garvey. Ben oui. Il est dans les top dans les stats des défenseurs du Canadien, man. Puis trois games ont lu comme si c'était Brisebois. Moi, c'est dégueulasse. Mais même Brisebois méritait pas les huées dans le temps. Ouais, non, c'était gratuit, ça. Puis je me souviens que Guéné avait dit que les partisans, c'était des gutless bastards. Ouais, mais il a bien fait de dire nice. Ça. C'est la seule fois qu'il y a eu. Après ça a tous arrêté, man. Mais jamais personne n'a eu Brisebois. Dans le fond, j'aurais une question à Michel, puis il me répondra sûrement pas. Là, mais non, oui. On va okay. y envoyer. Tu connais pas le gars qui pose sa céramique? C'est ça. Non, lui, c'est sa tapisserie. Non, mais je connais le gars qui l'a servi chez Saint-Hubert. Tu sais, il dit Markov, le corps, suit plus, blablabla. pourquoi tu mets sa première passe? Ouais. Non, mais qu'est-ce que tu fais il ouais, n'y a, game... a pas le choix. Mais non, c'est ça. En fin de game, il n'y a pas le choix. Il y a le choix. Mais qu'est-ce qu'il y a comme choix? Je comprends. Ça, là, cette affaire-là, le temps de glace, excusez, je coupe la parole. Non, vas-y. Excusez le fan du Twitter. Ouais, le monde, il y a envoyé chialer parce qu'il coupe le monde. Encore lisse. Non, mais l'affaire, là, ça a été posé la question, pourquoi il fait jouer autant? C'est vrai que pendant la game, il n'y a pas le choix de le faire jouer autant. Mais la fois qu'il n'a pas dû le faire jouer, c'est pendant la période de prolongation. À 3 contre 3. Ça, il aurait pu le garder sur le banc. Ouais, ça, oui. Ça, fait que ça, c'est une erreur du coup. La fois qu'il a fait une crise de belle erreur, là. Tu me dis qu'il n'y a pas de jambe, mais tu le fais jouer en prolongation. T'aurais pu le faire skipper son tour. C'est qui gère mal son temps? C'est-tu Daigneault ou t'as rien? C'est Daigneault qui colle les changements. Hein? Fait que Daigneault, peut-être. C'est Gigi, un peu. Ah, moi, ben, c'est sûr que Michel, des fois, il va dire non, oui. Parce qu'à un moment donné, puis le pire, c'est que Markov, tu sais, c'est sûr que, on va vouloir y aller. Mais c'est parce qu'il reste encore un an là, à son contrat à 6 millions. Ouais, fini, on s'entend-tu que Markov, il va pas dire ah oh, non, je me sens pas à l'aise d'y aller. Non, puis il voudra sûrement te prendre sa retraite. T'es un joueur de hockey, man, t'es fier, man. Si tu fais dire go, tu y vas, man. Vous le savez, le vrai problème de Markov, de toute façon. Peine d'amour. Ben oui. Peine d'amour. Hey, ça a l'air qu'il a perdu sa chaîne. Il est rentré dans sa tête. Carolina Montez, puis c'est beau Nibar. Ben non, mais sacrément. Ouais, mais regarde, ça c'est une autre affaire, mais je pense pas qu'il est fini. Là. Pour de vrai, oui, mais. Il est pas fini, Il est peut-être fatigué un peu. Il a quand même 37 ans, mais Chris, checker Jagger, son cave, ces gars-là, de toffer encore. C'est juste qu'il fallait pas jouer autant en fin de game, c'est tout. Là. Il comprend peut-être pas qu'il faudrait qu'il. Moins c'est temps. Demandant, c'est quand ils l'ont mis sa troisième paire, ça a été comme. Il était en tabarnak, mais il faudrait peut-être que lui aussi comprenne, les gars, tu commences à ralentir. Ben, je pense que gars, ça a été. C'est la fierté russe, ça, là. C'est sûr, ça. Puis je pense qu'il a été ça a été un wake-up call solide pour qu'il réside. Parce qu'un joueur de hockey, il ne la mettra jamais, qu'il n'est plus capable. Là. Ah, non, c'est sûr. Tu sais, on a tous vu l'exemple de Marc Messier dans l'ancien compte, là, qu'il ne voulait pas prendre sa retraite tout de suite. Tu sais, en côté de l'ancien compte. Pas ça, il est André Côté, Réja Tremblay. Compte-toi les histoires de cette émission-là. Je n'ai jamais vu une émission de l'ancien compte de ma vie. Mais là, tu sûrement déjà écouté des enfants quand tu étais jeune, les premiers. Les premiers. Oui, Marc Oignon. Je me rappelle qu'il y avait bien les boules. Tabarnak. C'est pour ça qu'on est ça quand t'es petit. Non, c'est sacrément Suzy. Ça a été bizarre. Je pense que c'est un wake-up call. Je comprenais pas trop qu'est-ce qui arrivait. Puis Markov, en jouant sa première paie, Chris, il joue contre des meilleurs trios des autres équipes. Parce que c'est sûr qu'il est brûlé à la fin de la game. C'est dur d'être un défenseur dans la NHL. C'est dur! Surtout à 37 ans. J'étais un calice de dépôt, mon gars. Fuck, man, t'as-tu craché dedans? On parle de bière ici. Dave, un dépôt de lit. Il était comme un cum shot dans ta bière, comme dans American Pie. Là. Ça y est, c'est là voilà, que Dave crache. Ça, il sort par le nez. Ça, il sort par le nez. Veux-tu des Kleenex? J'ai vu ses yeux quand j'ai dit le terme cum shot. C'est comme ça fait. Crache en litière. Crache en litière. Pendant que Dave s'essuie, on pourrait aller au troisième extrait de Terrien qui vient à la défense de Mike Condon. Ouais, donc. On va y aller comme ça. Il est encore super loin. Ouais. On est un jeune gardien de but à soir. Là. Il était loin du micro. Il donne tout ce qu'il veut. On est dans une position qui est extrêmement difficile depuis le 26 novembre. Eh oui. Oui. Il doit apprendre de toutes ces expériences-là. Là. Ben oui. Tu regardes depuis ce temps-là, depuis la perte de Carey. Carey. Qui est pas grand. Ils sont capables de passer à travers ça, là, cette séquence-là. Là. C'est tu racontes, Michel. Ah, dans le fond, il dit que Condon s'est mettre dans une position difficile depuis le mois de novembre. Il se bat pas mal, le petit gars de 27 ans. Il est quand même Condon, hein? Il est pas si jeune que ça, man. Il est comme 26-27. Hein. Le petit gars, là. Le pire, c'est que, mettons qu'on retourne trois semaines avant, là, Terrien a carrément dit que ses goûts-là faisaient pas le job. Ouais, mais Tokarski. Ouais, mais il avait impliqué les deux dans la situation. Ouais, parce que Condon il goulait facilement quasiment le trois quarts des games. Mais il y avait des chances de gagner, puis c'est vrai qu'il était faible un peu. Puis après ça, quand ils sont allés chercher Scriven, puis tout, ça lui a comme donné un petit coup de pied au cul, Condon. Puis il ben, parce qu'il a comme senti peut-être son poste menacé. Peut-être ça perd. C'est Moult Tokar qui retourne à Hamilton, ou plutôt à St. John's. Comment tu l'as appelé Moult? Moult Tokar. Moult. Le moule. Le moule de Tokar qui laissait passer moule. Fais rewind, je vais savoir, j'ai dit. Mike Condon a 25 ans. Ville gonflée, Tokarski. Ouais, mais imagine, cette année, là. Ah, il est pas jeune. Pour le premier. Il est 187. Il est pas jeune, Condon. C'est juste qu'il a une jeune carrière parce qu'il a été recruté sur le tard, man. Ouais. Ben, c'est ça, ouais. Il est sorti de nulle part, là. Joué à la East Coast League. Il était à l'université avant d'être repêché, genre. Il a fini l'école, puis toute la quitte, ce gars-là. Non, il a-tu déjà été repêché, lui? Il a pas été repêché, en fait. Une chose dans East Coast League, après c'est monté dans la HL, après c'est monté dans la NHL. Puis il avait bien fait. Excuse-moi, mais là, je me suis mal exprimé. Mais Tu sonnais comme t'as rien. Avec juste un peu moins de gras dans le cou. Ben, l'année prochaine, ça va être un assez bon deuxième goaler, mais avec le bagage qu'on a pris cette année. Ouais. C'est clair. Si Price va être solide, ben, il va venir. Là. Price va être là. Mais oui. Ben, mais ça va être solide. Là. Ça va être J'avoue, ça, c'est l'expérience. Ça, c'est pour ça que je dis je ne ramènerai pas Price cette année, je le garderai, puis je le préparerai. Ah, s'il est prêt, tu l'emmènes. Ah, non. Il est prêt à jouer. Ça va donner quoi? Mais tu peux pas mais le pire, c'est que Price, là, c'est sûr qu'il faut qu'il goal pour la Coupe du Monde. T'sais, c'est ça qui va être rough. Sûr. Pourquoi sûr? Il a été, c'est le seul joueur qui a été confirmé qui va faire partie coupe de du monde. C'est en 2018. C'est quand? C'est cet automne. Ouais, mais oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, là, mettons qu'il revient pas cette année puis que ses premiers games, il joue ça à la Coupe du Monde. Là, on fait chier. Ben, c'est au cet automne quand? Là? Mois de septembre, avant le camp d'entraînement. Ben, il ne veut pas se blesser, le tabarnak. Mais voyons. Oh, il va se blesser. Ah, oh, le ben, c'était écrit sur Google. C'était à Montréal. Le pire, c'est qu'il avait été Montréal, blessé. Montréal-Toronto. Il avait été blessé aux Olympiques. Aux Olympiques, ah, un peu. Ça. Ouais, c'était Crosby, il avait comme lâché ça de nulle part en entrevue, le gris d'épais. Puis il avait fini le tournoi pareil. Puis c'est ça. Puis on a manqué deux semaines. Puis après ça, ben, on a vu ce qui s'est passé. C'est bien intéressant, tu sais. On a d'autres extraits. Ouais, on va maintenant tomber sur la conférence de Marc Bergevin qui a eu lieu. Hier. Oui. Oui, voilà. Notre DG qui a maintenant un nouveau poste, oh, un, nouveau titre. Un nouveau titre. Alors, voici le nouveau titre de Marc Bergevin. C'est un bon titre. Oui. Moi, comme directeur général, je regarde pour améliorer l'équipe. Directeur général. C'est ça, en effet, que là, c'est le soundboard directement. Il y a même sa photo avec la barbe dessus. On le réécoute. Ça vaut de l'or, ça. Directeur général. Moi, comme directeur général. Directeur général. Pour améliorer l'équipe. Je suis moi, un digi-recteur. Un digi-recteur général. C'est trop beautiful. Je vais faire une sonnerie. Mais là, on comme... parle pas. Hein? C'est vraiment long. Je pense que je vais mettre ça comme genre message texte. Quand je reçois un message texte, mon zone, directeur général. OK, on parle pas, on l'écoute. Moi, comme directeur général, je regarde pour améliorer l'équipe. Je regarde pour améliorer l'équipe. C'est pas, je me suis dit que ça s'amuse de l'esprit. Couché, puis j'ai eu un rêve. directeur général du Montréal Canadien. Ah, si, man! Hey, excuse, ben, ça n'a pas rapport, mais Chris, ça a rapport en même temps. L'autre fois, moi et ma blonde, on a rencontré quelqu'un pour genre des trucs de prêts pour. Pas des prêts, mais les prêts épargne. Les épargnes études, là. Puis la fille, elle avait un petit accent, puis elle disait. Rêve. Elle disait un rêve. Puis, man, je la regardais, là. Elle était super fine, la fille. Ouh, c'est mais quoi votre rêve? Elle disait, c'est pour qu'il puisse réaliser ses rêves. Puis, j'avais le goût d'y rire d'en face, là. Sur le téléphone, yeah, je me suis couché avec un rêve. Hey, man, elle était trop drôle, elle disait tout le temps rêve. Peux-tu dire rêve, s'il te plaît? Peux-tu répéter ça, deux secondes? Fait que conférence de Bergevin qui a été une excellente conférence, j'ai trouvé. Du directeur général. Mais le moi, au début, il est vraiment moi. Marc Bergevin. Moi, Marc Bergevin, le directeur général. Puis ben, le directeur général prend tout le blâme pour la série de défaites du CH. On va voir ce qu'il y avait à dire. Par rapport à ça. Ouais, moi, j'ai bien aimé ça. Ouais, moi aussi, bien ben correct qu'il ait dit ça. Là, bonne conférence. Marc, écoute, je vais dire, tu sais, quand je te reviens ici. Attends. Marc, il porte tellement ses phrases. Marc, écoute, je vais dire, tu sais, quand je te reviens ici en mai 2012. Ok, attendez, il faut le repartir. Juste parce que. On le repart. Ah, je. Marc, écoute, je vais dire, tu sais, quand je te reviens ici en mai 2012. Oh, awesome. Il parle avec Marc de Foix, je pense. Pas vous que t'isoles ce bout-là, même. Comme pas rapport. C'est trop. On le repart. Ok, mais là, on repart. Laissez au complet. Ok. Marc, écoute, je vais dire, tu sais, quand je te reviens ici en mai 2012, là, si je pensais que ça aurait été une mer très calme, une mer, j'aurais rêvé. Puis je savais que c'était comme ça. Puis, c'est correct. Je l'assume vraiment. Puis encore là, les responsabilités sont toutes excusées. Les responsabilités. C'est pas à Jeff Molson, c'est pas à Michel Therrien, c'est à Marc Bergevin. Ça le mérite d'être clair. C'est clair. Si ça fonctionne pas, c'est la faute à Marc Bergevin et personne d'autre. Bon, dans ce truc-là, il a dit. On s'en va. On s'en va-tu dans un rêve pour rêver? Qu'est-ce qu'il prend toutes nos responsabilités? Il parle mal, mais c'est pas mal en anglais. T'as un bras, Yassi. Excusez, faut que j'en parle le début, c'est juste trop malade. Bouge-bois, gagé, Yassi. Marc, écoute, je vais juste dire. Hey, désolé, mais on peut l'arrêter toute la journée. Je pense que je vais le rendre disponible en téléchargement sur notre site pour le monde. Quand c'est ça, message texte. Ouais. You got mail. Oh, j'ai... Dave va être broyé. Ben, au moins, une bonne chose, c'est que Marc prend le blanc. Lui, Marc Bergevin, prend le blanc. Lui. Mais, dans le fond, c'est ça, j'aime ça qu'il fasse ça, il enlève toute la pression de tout le monde. Il dit, basically, il dit à Jeff, il dit, s'il y a un problème, il dit, fermé. C'est ça, c'est moi. Crisse-moi dehors, puis crisse pas Michel, ou on crissera pas des joueurs. S'il y a un problème, c'est moi, tu mets dehors. Il prend tout le blanc, puis c'est bien parfait. Là, ouais. Puis, il dit à Michel, c'est ça comme je vous disais sur le chat, if you go down, I go down. Ouais, c'est ça. Et voilà, un gars d'équipe. On se fait mettre en dehors ensemble. Au moins, tu vois qu'il y a vraiment une mentalité d'équipe dans toutes les sphères de l'organisation. Deuxième extrait. Tu un autre? J'en ai comme cinq de lui. Il n'est pas sur ton bon bord. Deuxième extrait, on a demandé à Marc s'il y avait des regrets par rapport à ce qu'il a fait dans les mois passés. Alors, on écoute sa réponse, Marc Bergevin. C'est certain, écoute, aujourd'hui, et encore là? Ça n'a pas fonctionné, puis je le sais. Mais je n'ai pas mis l'organisation de l'équipe c'est dans ça, une situation tout le temps pour des années. Malade. Ouais, il a raison. Laissez parler. Puis ça, je vais toujours prendre ces petites chances-là. Faut que je suis prêt à les prendre. C'est juste des choses qui peuvent faire mal à l'équipe pour des années. Ça, c'est vraiment difficile. Puis, comme si les gars l'ont une situation que je peux faire quelque chose que je vais regretter parce que je panique. Parce que je ne suis pas une personne qui panique. I agree. Au moins, il ne panique pas. Il ne va pas faire des. Comme malade. Il panique comme malade. Comme malade. Des jeux du club, ben, si le monde se fait échanger à chaque fois qu'il malette, là. Non, il y a quelqu'un qui ne joue pas une game. Si je vais l'échanger, lui. Il n'est pas bon. Shoot à côté du net, on l'échange. Fais tes valises, man, des calices. Mais là, tu vois, là, j'échangerais les. Il call out, genre, il passe à tourne, puis son doigt, puis il call out, genre, toi! Il marche avec il marche dans la rue avec le gros doigt, puis le ghetto blaster sur l'épaule, là, comme dans les années 90. Puis il pointe le monde avec une touche de rage. Get the fuck out, bitch! Call it you! Toi, t'es dehors! Ben, tu sais, j'aime ça qu'elle dit ça, parce que c'est la réalité, puis c'est que ce monde. Parce que c'est d'en face à ma lettre en même temps. Ouais, puis j'étais comme yes! Non, mais j'ai l'impression que Bergevin s'est fait dire par Monson, là, tabarnak, va parler aux journalistes parce que ça n'a pas de bon sens ce qui sort, puis il va juste calmer le jeu. Mais en même temps, ils ont voulu donner un break à Terrien parce que de ce temps-ci, ça allait pas bien, puis Terrien, il était trop intense. C'était trop intense. Tout le monde le regardait comme hey, tu vas perdre ta job, tu vas perdre ta job. Ouais, c'était sûr. Ouais, Fart Terrien tout le temps, puis tout, puis ça arrêtait plus, là. Oh shit, en vrai. Mais faut admettre une chose, c'est que Marc, il va avoir tout un été devant lui. Ouais, non, il y a quelque chose à prouver. Moi, d'après moi. Non, mais là, il y a quelque chose à prouver. Je veux dire, là, c'est rendu que, ouais, ok, tu peux cracher cette année, mais. Faites quoi? On vient voir que là. Faut qu'il fasse de quoi, là? D'après moi... Ça veut-tu que tout ce qu'on veut, aller chercher le super vedette? Je pense pas. Il sera pas capable. D'après moi, Bergevin, cette année, va faire beaucoup moins de push. Mettons, on disait Johansson. Mais là, les gars, il l'a dit plain and simple. Il voulait un défenseur jeune, droitier. Qui qu'on a? On n'a pas de 7 Jones à donner. Ben non, mais c'est ça. Fait qu'il dit, gars, je peux pas aller chercher Johansson. Ouais, le gars, il cherche ça spécifiquement. On n'a pas au Canadien. C'est un besoin contre un besoin en même temps. C'est un très bon échange dans la Ligue nationale. Fait que c'est ça qu'il essaie d'expliquer. Tu sais, c'est bien beau. Tu sais, moi, je suis ce gars-là. Mais l'autre directeur général dit, ben moi, j'ai besoin de ça. Le directeur général. Mais il y avait une autre stat que j'avais du Canadien. Pour dire qu'on va lui donner 4 gars, là, on va donner Sherbach, ben dis moi j'ai juste besoin d'un défenseur jeune, droitier. Il y a quelqu'un qui a raté pis ça pue. Écoute, je veux dire, tu sais, quand je te reviens je vais juste le remettre parce que c'était juste trop drôle. Il y a une petite. Écoute, je vais dire. La façon que Marc a bâti son équipe depuis 2012, Marc, le Canadien, c'est la troisième équipe dans la NHL à avoir investi le plus d'argent en défensive. Non, mais c'est parce qu'il croit en philosophie. Gâche pas tes poches parce qu'on a un dossier Bergevin le prochain épisode. Fait que je vais garder ça pour la semaine prochaine, mais je veux juste vous dire une chose que Marc Bergevin aurait dû faire. Ça. Restez à l'écoute jusqu'à la fin du podcast parce qu'en fin de troisième, on vous explique c'est quoi le prochain épisode. Ça va être, ouais. Ça va être un dossier Bergevin. Moi, ça, si je suis pas au courant. On t'a invité, est-ce-tu? Lis le chat, toi, est-ce-tu? Bon, on n'est pas là parce que ça se passe un jeudi. Ouais. Et j'aime pas cette histoire-là. Je vais être un jeudi, là. Je vais être dans un spa à Charlevoix. Vendredi soir. Monsieur s'en va dans un spa. Je m'en vais faire du snow au massif, fait que ça compte. Mais non, mais je veux juste pas qu'on repasse des longues Monsieur sessions. Monsieur s'en va dans de... un spa, se mettre du Vicks dans un rave. Genre, il rêve dans un rave. Non, je veux juste pas qu'on passe, par exemple, un mois encore sans faire le podcast. C'est perdre les fans, quand même. Là. Pas tes lights. Bon, les fafans. Les fafans qui nous écoutent. Oui. C'est quand même qu'on vous aime. On a abordé le cas Galchenyuk avec Bergevin, justement. J'ai un extrait audio, puis j'ai laissé la question du journaliste du début parce que me semble que la question était pertinente. Alors, on écoute ça dans, encore une fois, quelques secondes. Me semble. Dans le cas de Galchenyuk, il y a eu une couverture médiatique et un intérêt Nicolas Poulet, énorme. Puis des fois, on a comme oublié que, non, il est pas invité. En bout de ligne, selon ce qu'on sait, il était une victime là-dedans, right? Right. On peut lire c'est pas qu'il parle en anglais, plein ouais. de choses partout, ouais. comme là, notamment des choses sur des problèmes conjugaux. Est-ce qu'à un moment donné, toi, tu dis... lâchez-les, puis... Tabarnak. Là, ça affecte. Ouais, je comprends. Écoute, lâchez-les. Écoute, souvent, tu sais, on fait des choses qu'il faut qu'on assume aussi, là. Et on fait des gestes qu'il faut qu'on soit responsable. Puis, s'il y a des choses qui arrivent hors glace, il faut qu'on assume. Mais il n'y a pas fait de gestes alors, en même temps. Ce que je veux... T'as fait un party, t'as invité du monde. Écoute, ouais, mais tu peux pas interdire une situation pour pas que ces choses-là arrivent. Puis c'était ça mon message avec Alex. Ben là, c'est interdit de faire ça, faire non, un party non, non, et inviter du monde. Tu vois, prêt que si t'en fais un pis tout pis t'invites du monde, tu connais pas chez vous, man, pis qu'il y en a une qui parle ou qu'elle a passé sa part pis t'es. Ben... Mais ça, c'est son entourage. Ben, c'est ça qui arrive. Non, mais ouais, c'est à Montréal. Là on s'est rendu compte que son ex, c'est une calisse de folle. Pis on a vu aujourd'hui sur le Instagram de Chanel. Là. Elle cherche l'attention. Ouais, elle cherche l'attention pis comme, ah, my puppets, ha ha ha. Elle est folle. C'est une crise de folle. C'est une crise de folle qui cherche l'attention. C'est là que mon poste avec le Canadien serait utile. J'y vais parler, moi. L'ex à Jonathan Duhamel. Il y a du monde qui dit fucking money. Ouais, mais c'est ça. Il y a l'air qu'il y a du monde qui avait prévenu que cette fille-là, ouais, c'était pas un bon entourage pour Galchenyuk parce que c'était une fille à problème. Là. Ben oui, c'est avant ça. Avant même qu'il sorte avec. Là. Mm-hmm. Ben, pas avant même qu'il sorte elle avec. Elle peut être bien belle, mais tout. Peut-être qu'il a juste à sauter, puis finalement, elle voulait avoir une relation avec. Elle s'est accrochée. Ben là, c'est sûr, c'est ça. Elle s'est accrochée, t'as pas un hockey. Un beau petit joueur hockey, millionnaire. Il y a un penthouse, je le veux dans mon cadre. Ben oui, elle est cruche. Sous question de moi, mais trouvez-vous que les jeunes prennent trop le hockey pour acquis? De risquer vos postes de joueur puis de faire de la merde dans les médias de même en faisant pas attention. Il a été comme un peu victime d'une folle. Ce cas-là, oui. Hein, Cation, par exemple, c'est dégueulasse. Hey, Cation, il y a une affaire que ça a l'air qu'il y avait quelqu'un d'autre. Ouais, ben ça, j'ai des doutes là-dessus. Hein? Là. Ça vient de 25 Stanley, fait que j'ai des gros doutes là-dessus. Ça, c'est Claude Poirier qui a sorti ça par rapport. Ouais, c'est Claude Poirier qui a sorti ça, c'est pas 25 Stanley. Pourquoi Poirier a sorti ça? Pour de vrai, si Claude Poirier a vraiment dit ça, il y a bien des choses dans la police, ça se peut que ce soit vrai. Mais pourquoi est-ce que Claude Poirier aurait dit quelque chose du genre? Parce que je pense pas que Claude Poirier cherche l'attention, honnêtement. Il s'en calisse. Mais tu sais, je dis. C'est juste de l'argent à appeler l'individu. Ouais. Mais... il a rendu un tabarnak. Ouais. Non, mais. En même temps, Claude Poirier, là. Il y a des bonnes sources. Ah ouais. Il a l'air d'un hostie de tout croche, un hostie de vieux fini, mais Chris. Il y a des contacts, ce style. Non, là, je sais, mais c'est parce que il dans le fond... Il y a plus de contacts que Nicolas Poulet, lui. Et si, bon, oui. La journée qu'il y a eu le Caucasian, puis ça passait à TVA, puis LCN, j'ai écouté l'entrevue. Il y avait des témoins, puis on passait à TV. C'est un gars, tu sais, un monsieur ouais, de tout le monde. Des témoins qui sont arrivés sur le fait, en même temps que ça s'est passé? Ben, c'est un gars qui travaillait dans l'appartement devant, mettons, l'accident qui s'est passé. Fait que là, lui, parce parlait. Ça, parce que ça aurait l'air que l'autre qui était arrivé, qui était impliqué, il a juste crisé son camp. Là. Non, ça a l'air qu'il aurait fait une scène devant la police. Ah ouais, c'est ça qu'il ouais, disait, c'est Claude ça qu'il disait, Claude Poirier. C'est parce qu'à un moment donné, là, regarde Claude. Là, parce que s'il y a eu une scène devant la police, quelqu'un aurait vu quelque chose, me semble. Ben, les joueurs du Canadien sont quand même connus. Ben, c'est ça. On aurait entendu parler. Là. Anyway, ça serait vraiment. Donnons pas de temps à des gazettes. S'il vous plaît, donnons pas de temps à Zach Cation, tabarnak. Il y a cette GF qui nous rappelle qu'il a fait un but avec les Oilers. Oh, la première ligne. Toute la soirée, côté but. Je l'aimais, moi, Zach. Hey, non, on va finir ce qui est. Je l'ai pas aimé, man. L'article de 25 Stanley, encore, tabarnak. De Zach Cation qui fait une entrevue, puis oh, il y a les pupilles dilatées. Ta gueule, tabarnak! C'est quoi ça? Non, mais sérieux, s'il aurait été chaud avant la game, je pense que le coach serait rendu compte de moins de ses coups de pied. Parce qu'il disait qu'il était chaud à cause qu'il avait les pupilles dilatées. C'est ça qu'il a dit dans son. Quand je fais une activité physique intense. Il était soit sur telle substance. Il n'a pas dit qu'il était chaud. Il a parlé d'alcool. Il a dit qu'il était chaud. Il a dit qu'il était d'alcool. Il a pas parlé. Il a pas dit qu'il était chaud. Non, il a dit qu'il était sur le weed ou sur l'alcool. Dans mon livre, à moi, non, sur le weed, la drogue ou l'alcool. C'est ça qu'il a dit. Mais t'as pas les pupilles dilatées parce que tu bois de la bière ou tu fumes de. Mais non, il y a plein de cadres du pot. Il y a parlé du pot, il y a parlé de la bière. Hey là, tabarnak. Alors, on essaie tout ça, puis on vous revient. Il n'y a pas un autre extrait? Ouais, j'en ai deux autres qui me restent. Do it. Bon, Bergevin qui nous répète encore une fois, comment c'est difficile de faire des échanges dans la Ligue nationale. Raison, tabarnak. Ouais. C'est très difficile aujourd'hui de faire des transactions. Dans, tu peux demander DG, c'est très difficile pour plusieurs raisons. Les joueurs qui... C'est vrai, il n'y en a pas, même. Pas de trade. Des gros joueurs sont rarement disponibles. Rarement. Puis aussi une masse salariale à respecter. Puis à toutes les années, c'est une cible qui bouge. Il faut être responsable. Puis moi, personnellement, je ne suis pas prêt à sacrifier l'avenir du Canadien pour une petite solution à court terme. Oui, mais I agree, man. Moi aussi. Envoyer un joueur jeune sur mon dossier. Un endroit qui va être succès pendant 10 ans. Puis on va regretter ça pour des années à venir. Alors moi, il faut que je sois responsable aussi. Ton dossier, là, il est biaisé, man. Parce non, il n'est pas biaisé. Juste, ben, soyez là. Je vais juste dire des faits. Puis si vous voulez comme commenter mon dossier, soyez présent. Puis ça, je vais prendre 5 cups encore. Oui, parce que la vérité choque, mon ami. Il va falloir que je fasse l'avocat du diable dans ce spécial-là. Ça va être difficile, j'ai l'impression. Non, parce que je vais quasiment te convaincre. Ah. Finalement, ça va être un esti d'épisode de merde. Ouais, on le fera pas finalement de la merde. Ça va être juste chialer. Non, je chialerai pas. Je vais juste relater les faits. Si tu parles de repêchage dans ton rapport qu'il aurait dû choisir ce gars-là à la place de ce gars-là, tu viens de perdre toute crédibilité. Même pas. Même pas. Dis-moi donc ça. Je vais juste résumer les moves qu'il a fait. Dans le fond, j'ai fait un squelette de chaque transaction qu'il a faite depuis son embauche en 2012. Et le dernier extrait que j'ai ici, c'est Bergevin qui répond à une question qui demande « Qu'est-ce que tu apprécies sur Michel Therrien? » Et cette réponse-là est délicieuse et incroyable parce que... Elle est bilingue. Elle est bilingue. Il commence en français, il veut dire une expression en anglais, puis il finit de répondre à la question en anglais après ça. Si je veux dire une expression en anglais. Il a dit, mais après ça, il oublie d'en venir en français. Il pense en anglais. Continue en anglais. C'est merveilleux, on écoute ça tout de suite. Michel assume ses responsabilités. Il a un très bon pouls de l'équipe. Michel, c'est une personne... Tu sais, il y a une expression anglophone qui dit « a foxhole guy ». Somebody, if you're ever in a foxhole, you want it next to you, that's what Michel Therrien is. He assume he's a good human being. He's an excellent coach. He communicates with the player very well. He knows he has to make him better, and he works at it every single day. That's what I love about Michel Therrien. Le pire, c'est que je pense que le journaliste, il n'a rien compris parce que les journalistes, la majorité au Québec, ne parlent pas anglais. Ouais, come on. Je ne peux pas croire ça. C'est du journal moyen. Marc Defoy parle anglais. Vous avez déjà entendu Marc Defoy parler anglais? Ben, il n'a pas besoin de parler pour le comprendre, esti. In your face. Hein? Pas besoin de parler pour le comprendre. Raison, Marc Defoy est trop occupé à panier son toupet sur le côté. On connaît moins du monde qui parle anglais, mais il comprend en gris. C'est quand il arrive à parler. Hey, you know the guy with the. The yellow thing. That's it, man. Des flashbacks de Cuba. Lui, il comprenait l'anglais, mais il parlait pas partout. You know the guy with the fucking yellow thing? C'était au Mexique, ça. Non, c'était. Non, c'était à Cuba. C'était à Cuba, t'as raison. Whatever. 2006. J'étais pas là. 2006 represent 10 ans de making! Pas rapport, là. C'est vrai, c'est long, hein. Fait que c'est tout ce que j'avais pour les extraits audio de cette semaine, les gars. On va aller faire une petite pause, on va revenir pour Around the NHL. Et puis un extrait d'une ligne ouverte à la fin de la troisième savoureuse. Restez à l'écoute, restez à l'écoute, là. Restez à l'écoute. Claude, Cuba 2006. On est de retour pour la troisième période. Oui. Ça va-tu partir? Hey, Asti, c'est le fond exprès, là. Attends, je vais l'essayer. On dirait que ce piton-là, spécialement, il est encore plus lent que les autres. Il faut que je le fasse deux fois. Puis c'est le centre le plus court, même. Ouais, puis c'est maintenant le temps de faire le tour de la Ligue nationale. Yeah. J'ai essayé d'étirer, vraiment. On n'a vraiment pas grand-chose aujourd'hui, fait que ça va être très, très, très court, ce segment. Premièrement, un ancien du CH, Jiří Sekáč, qui est échangé aux Blackhawks. Au Blackhawks. Hey, ça va être ta carrière. Hein, quand en retour de Ryan Garbutt. Fait trois équipes en deux ans, man. Ça va bien ta carrière, le gars. Garbutt est meilleur que Sekáč, là, de toute façon. Ouais. Il est plus utile. C'est un joueur de soutien qui pourrait être pratique pour les Ducks. Parce que Sekáč, il foutait rien à Anaheim. Il n'a jamais foutu rien. En ce moment, les. ça va être En ce moment, les Blackhawks sont en quelle position? Ils sont premiers en ce moment, les Blackhawks. Ils sont premiers dans la ligue. Ils ont 12 victoires en ligne. Ils ont 68 points avec 50 games de jouer à date. Mais on s'entend-tu sur une chose? Sekáč, là, à Chicago, là, il y a peut-être des chances de relancer sa carrière. Ben, il va peut-être aller gagner la coupe en faisant rien. C'est ce qu'on dit à Anaheim. Entre autres. C'est ça qu'on dit quand il est tradé à Anaheim. Ah, peut-être que ouais, mais Anaheim, il a l'air d'avoir des Montréal, problèmes. Ils n'ont pas donné une vraie chance. Là. C'est à cause de ça. Oh, ouais, sûrement. Ça. Ouais, mais apparemment, il aurait fourré la maîtresse de quelqu'un. Ouais, là, ouais, mais en même temps, la maîtresse de Plekis. N'importe quel calliste de joueur va aller jouer à Chicago, puis Steve va relancer sa carrière. Ben, c'est tellement une bonne équipe. La recrue, là, Atemi Panarin. Atemi. Atemi. Atemi. Ouais. Ben, ça, là, c'est ça son nom, en tout cas. Il était entre Montréal puis Chicago, puis il a choisi Chicago parce qu'il trouvait que ça fitait mieux pour son style de jeu, c'est-à-dire offensif. Du hockey. C'est pas de responsabilité défensive, c'est juste aller scorer. Là. Ben mettons que Chicago, ça va bien, tu sais. Mais tu sais, quand t'as une bonne offensive, la défensive... Mais c'est facile de dire, hey, c'est facile de dire, hey, je vais prendre Chicago, ça ressemble bien gros à mon style. Ben oui, c'est sûr que c'est la meilleure équipe de la Ligue. C'est sûr, c'est une fucking dynastie en in the making en ce moment. Ouais, c'est ça. C'est carrément une dynastie. Là, ah ouais, Chicago, c'est la dernière dynastie du hockey. Lui, ça vient de connaître Calder là, cette année. Là. C'est catch? Atemi. Ah, Atemi. Ah, mais l'autre est blessé, l'autre à Buffalo, c'est comme... L'autre à Buffalo. Il gagne par défaut, Chris. Ouais, mais tu sais, faut donner à César ce qui appartient à César. Le gars, il moyenne quasiment d'un point par match. Le gars qui parle aux chiens, là? Non. César Milan. Lui qui est... C'est sûr que les chiens l'écoutent s'il est pas par le collet. Hey, écoute-moi, est-ce? Non, il les yeux sortent de la tête. Il leur touche pas, man. Ah, c'est un esti de fucky, le fait. Ça a l'air que Will Smith, il l'aime bien. Tout le monde l'aime. Mais c'est Will Smith qui a lancé sa carrière. Ben oui, Will Smith, c'est un scientologue. Ouais. Le tabarnak. Ouais, Jaden, I'm calling you out. Fuck you. Bref, moi, là, si je voudrais faire une joke à quelqu'un, j'achèterais un chandail de Ryan Garb. Okay, je pensais que si je voulais faire une joke à quelqu'un, je l'inscrirais dans Scientologie. Non. Il y a une place à Québec que tu marches, puis ils sont comme, hey, voulez-vous de l'information? Non. Touche-moi pas, puis approche-moi même pas. Sur la Scientologie? Ouais, ouais. Nice. Non, nice. Je voudrais juste agréer. Kid fuckers! Ou tu l'arrêtes, tu fais comme. Ça se fait pointer, ouais. deuxième point. Aujourd'hui, je pense que c'est arrivé. René Bourque a blessé sérieusement son entraîneur John Tortellini. John Tortellini. On parle peut-être de commotion. Ouais, mais il fera même peut-être. Je pense qu'il n'a pas fait le voyage là, pour son équipe. Il ne sera peut-être pas derrière le banc contre Canadien. He's the worst, man. I hate him. C'est juste une collision, genre par rapport. T'sais, René Bourque, il y a sûrement qui regardait où ce qui s'en allait, puis il a foncé sur le côté. Il s'est souillé. Non, ça a l'air. Que, ça a l'air non, mais ça a l'air de ce que j'ai lu. Il y avait une fissure dans la glace, puis ça l'a comme. Chris, il a revolé en esti. Finalement, Tortorella s'est ramassé avec une fissure dans la glace. Bourque, il a pogné une fissure dans la glace, puis il a comme perdu l'équipe, puis il est rentré dans Tortellini. Si, bon. Si, mais parce que les coachs, j'aime ça quand les gars patinent dans l'ancien compte, ils sont au centre. Oh, tabarnak! Tabarnak! Il est fatigué, man. C'est quand même bon de voir que René Bourque joue encore dans la Ligue nationale. Ouais, je pensais pas qu'il jouait. Non, non plus, je pensais qu'il aimait plus. Ouais, mais Columbus, sont quelle position au classement? Columbus, sont deuxième sur. Dernier dans l'Est. Ils sont derniers dans l'Est. Fait que c'est ça. Ils sont derniers dans la Ligue. Ah non, il y en a de moins avec des moins de points. Il y en a 28. René Bourque, mesdames, messieurs. Non, non, ils sont derniers dans la Ligue avec 38 points en ce moment, Columbus. On va les rejoindre, Nesti. Ça va être dur parce qu'on a plus de points que ça. Déjà, on a 50, nous autres. À moins que Columbus gagne leurs deux games contre nous autres, ça n'aidera pas. Ils vont se rapprocher. C'est 6 games, hein. Faut qu'ils gagnent 6 games. Hey, Toronto sont 28, man. Arc. Ouais, puis c'est nous bottes, avec leur entraîneur à 50 millions de dollars. Hey, j'ai vu de quoi sur l'entraîneur, Mike Babcock. Là, c'est un journaliste de Toronto. Il a dit « Babcock equals sad cock ». Je suis comme « Fuck, man ». Puis là, tout le monde dit « Ah, il dit, là, on fait des mèmes sur ça ». C'est comme « Mais Chris, le gars, il réalise-tu qu'est-ce qu'il crie ?» Pourquoi? Parce qu'il est sad cock, parce qu'il est versé une lame. Parce qu'il est triste. Il était comme déçu de la performance de son équipe parce qu'ils sont fait planter. Puis là, il écrit Babcock equals sad cock. Voler les commentaires de ça, c'est genre malade. Oh, genre ouais. Malade. Ouais, je parle comme un ado. Genre. C'est fou, genre malade dans, ouais. Dans le deck. Watatata. Troisième point, Andy Kopitar a signé un contrat de 8 ans à 80 millions de dollars. Ouais. On aurait pu l'avoir à la place de Price. C'est qui a dit qu'il aurait pris lui à la place de Price encore? Price. Oh, fuck. Je suis tanné de ces comparaisons-là. Je sais, c'est dégueulasse. Il y en a qui valent la peine d'être mentionnés, ou peut-être, mais tu sais. Ça, c'est un autre journaliste. Non, mais tu peux pas comparer les repêchages. Je dis, tu sais jamais. Non, c'est ça. C'est un gameplay. C'est une science, un choix de quoi, 5e round? 5e round, puis c'est un coup de circuit. Ça, voilà. Ben, Markov, c'est un choix de genre de 5e round et tout, je pense. Je veux pas revenir là-dessus, mais Alak, c'était 7e round. Entre autres. Mais pas, je pense qu'il était 9e dans ce temps-là, parce qu'il y avait 9 choix. Qui on voulait savoir? Là, mettons que. Markov, c'est un choix genre très loin. Markov overall, 62, fait quand même une coupe de tour. Ça fait loin. Tu vises ça par 30. Dans ce temps-là, il n'y avait pas 30 clubs. J'ai pas le goût. Carry the one. Ouais, mais tu peux dire la même chose pour le club qui a repêché. C'est Cameron. Tu sais, comme Minnesota, ils ont repêché Benoît Pouliot. Puis après ça, l'autre équipe avant, ils ont repêché Gilbert Brûlé. Fait que même eux autres, ils peuvent dire, oh, on aurait dû pogner Price. T'sais. Ouais. Fait qu'à un moment donné, là, vous y êtes. Imagine, okay. Imagine justement le monde qui doivent se dire. Aïe, on aurait pu avoir Price. Ah ouais. T'sais. Mais il est sorti cinquième. Oui, il est sorti cinquième, mais les quatre premières équipes, ils ont pogné quoi cette année-là? Il y avait Crosby, après ça, je pense qu'il y avait Gilbert Brûlé, Benoît Pouliot. C'est l'année de Crosby qui a pogné Price? Ouais. C'était la loterie. C'est pour ça qu'on a repêché cinquième. On a été chanceux, dans le fond. On a été pigé comme pour être cinquième. C'est bon, ben. Ça, je m'en rappelle pas. C'est le fun de la gagner cette année encore, la loterie. Ben oui, Austin Matthews. Mais c'est pas la même loterie. Donnez pas ça aux Oilers. Non, mais à cette heure, il y a plus de chances qu'une équipe. Ils ont ramené ça un peu style NBA, là, comme. Ouais, si tu veux, parce que sinon, c'est quasiment sûr que ça va être Edmonton encore qui va le pogner. Edmonton, on n'est pas capable de gagner. Mais non, Edmonton sont. Ben, 27. Bon, c'est ça. Ils ont encore des chances. Mais il y a encore des chances. Mais il y a encore un pourcentage qui marche là-dedans. Oui, mais il y a plus de chances pour les équipes qui sont comme pas nécessairement dernières. Ouais, c'est ça. Le pourcentage plus divisé. Là. Ouais, parce qu'avant ça, mettons une équipe qui était peut-être 12e pouvait juste monter de un rang ou deux. Mais max. Ça, ils veulent changer ça carrément, je pense. Ben, à cause des Oilers d'Edmonton, c'est tout le temps eux autres qui pognaient le first pick. Ça, dans votre bitch. Ben, Chris, à un moment donné, c'est gossant, là. Tu sais, tu veux pas chialer sur une équipe qui n'est pas capable de développer ses jeunes. Ils se sont pimpés une équipe de rêve, mon gars, puis ils font fuck all, man. Pas développer les jeunes. C'est tout le temps des assises d'attaquants. La gaffe qu'ils ont faite, là, je m'en souviens plus c'était en quelle année, là, ils auraient pu repêcher. Pas juste des attaquants. Vector Hedman. Ou Vector Hedman, à un moment donné, ou... Mais ils pognent juste des assises d'attaquants. L'année qu'on repêchait Ryan Nugent. Ils pognent juste des attaquants, puis après ça, ils vont chercher Andrew Ferentz, ils le mettent capitaine, puis ils disent « ça, c'est notre avenir ». Ben, juste pour venir à Kopitar. Ouais. Kopitar, ouais. 8 ans, 80 millions, là. Bon, 10 millions par année. Ben, ça se compare à Kane et à Taves, là. Oui, puis est-ce que Stamkos va gagner le même salaire ou plus, minimum? Ouais, non, c'est ça qu'il va demander. Ça va ressembler à ça. Puis on s'entend-tu qu'il y a des chances que Stamkos se retrouve à Toronto? Non, je m'en colle. Ça ne changera rien. Beau voulu, man. Trader dans l'Est, non? Vas-y, man. Y'a-tu gagné une coupe à date, Stamkos? Non, puis s'il va à Toronto, il gagnera pas plus. C'est ça que je m'en ai dit. S'il veut gagner une coupe, il serait qu'avant Chris à la Toronto. Viens à Montréal! Ben, ben, écoute, trop cher, on pourra pas l'avoir. Viens à Montréal si jamais... Parlez pas de Stamkos de même, j'ai allergique. C'est les chiens qui jappent. César. Oui, César. Oui. Oui, OK. Andy Kopitar, good contract, good for him. Maintenant, la map. Elle est. Je vais le voir une fois par année. Genre. Elle est. Bon, l'autre point, on l'avait déjà parlé. John Scott sera finalement du match des étoiles, mais ne représentera pas le CH. Mais le match des étoiles, anyway, là, c'est un endormi. À part le. Ah, man. Moi, j'ai écouté le concours des habiletés pour voir ce qu'il va faire. Juste la fin. L'année passée, je l'ai écouté. Puis le match? T'as écouté le match? Ah oh, non, là, les habiletés, ouais. Les habiletés, puis je me suis dit, je pense que c'est fini. Je pense que j'écoute. C'est plat. C'est plat. Ben, j'ai pas formule. Le goût de l'écouter. T'es-tu curieux au moins de voir le tournoi 3 contre 3? Non. Ben moi, je vais juste dire pour voir ce que ça donne. Ouais. Puis ça permet de voir les commentaires de TVA Sport pour voir quel point ils sont mauvais. Ils vont encore se coller des affaires des yeux, tu croches. Hey, regardez, on a des collants. On est comme des joueurs. On s'est mis des étoiles. Le pire, c'est que j'ai écouté la game contre les Blues à TVA Sport la semaine passée. Là. Puis à un moment donné, Patrick Lalime, il dit « Hey, manquez pas la voix. Moi, je l'ai mis dans mon enregistreur puis je vais l'écouter. » La voix. Ouais, ça, c'est, okay. Ça, c'est le de TVA tabarnak. Ça, c'est de l'autopromotion de TVA. C'est dégueulasse. Mais comment? Tu vois, ça n'a aucun sens. Puis là, sens. Il a sûrement ça dit « Manquez pas la voix. » Première sur TVA Sport qu'on vous annonce la présence de la voix. Mais genre ça, puis... Là, il va. Mais tu l'écoutes en anglais, All-Star Game, anyway. Tu l'écoutes juste pas. Ben, moi, je vais le regarder. Moi, je vais l'écouter en français. Ça, je suis pas occupé, ça, j'ai rien à faire. C'est quoi, TVA Sport, ils ont comme pogné toutes les games. Ouais, toutes genre, les séries. Toutes les non, mais toutes les games spéciales. Mais les matchs nationales, puis les grosses games spéciales. La classique hivernale était là, mais c'était pas un samedi, c'était comme. Ben, c'était un match national. Ouais. Tu sais, quand c'est un match national. Mais on s'en calisse. Ils ont payé de la grosse crise de money. C'est sale. Ça, 9 milliards ou 12 milliards que Rogers a payé. Quelque chose de même. As-tu baissé ton salaire, ça, Alex? C'est beau. J'ai juste moins de perks. Toi, te permet d'écouter des films, là, j'ai moins de perks. Je peux juste l'écouter un à la place de deux. J'ai un gros écran, j'en ai deux petits. Puis dernier point, j'ai juste j'avais... un 21 pouces puis un 24 pouces. Non. Mon dernier point, ben là, on va en parler un peu plus, là, c'est le cas de Rouen. Ah, je t'en ai. Ben, il faut en parler parce que c'est ce qui se parle le plus. Je suis tanné, man. On en a parlé la dernière fois. Puis je viendra pas à Montréal, ce gars-là. Ah, je non, le mais pas. Là, il a je été. Je veux pas, man. Non, je on, veux pas. On est dans Round the NHL, il était suspendu sans salaire par le Lightning. Fuck Drou-Drou. Drou-Drou, il rentre ici, là, il a bien trop de pression, il va te choquer. Si ce que son agent a dit est vrai, j'aurais peut-être fait la même affaire. Mais ça manque un peu de professionnalisme. Est, dans le fond, de la part de qui? De son agent? De Drouin. Peut-être qu'il est mal conseillé. Moi, je pense que oui. En partant, oui. Il y a deux possibilités. Ça peut faire que c'est un prima donna, ou sinon, c'est un gars qui a vraiment du caractère puis qui il tient ses valeurs. C'est ses dur valeurs, à dire, t'sais. Parce que on n'est pas dans ses culottes. Mais tu peux voir ça de deux façons, étant directeur général. Soit c'est un gars qui a un trouble d'attitude, ou c'est un gars qui tient ses valeurs, puis c'est un fonceur, tu sais, puis il sait qu'est-ce qu'il vaut. Je me suis mis dans la peau du jeune, puis je me suis pété deux boutons. Très bonne celle-là. Je l'accorde. Puis, accepté. Quand il a été repêché avec le Lightning, le gars, sûrement, se voyait déjà faire le team de la NHL. Il est tellement boutonné en plus, le calice. Ouais, c'est dégueulasse. Ouais, mais ils ont-tu donné une vraie chance? Je me demandais que tu t'allais non, racheter. C'est des vrais boutons. Temps, il y aurait peut-être ça. Le nouveau iPad tout tremble. J'ai peur. Il fait renverser ma bière. Drette à la console. Martin n'est pas là. Il s'en prend. Mais c'est ça. Il s'entendait à faire le club. Puis le Lightning ont tout simplement décidé de le retourner dans son équipe junior. Oh, mais il y a quelque chose d'autre en dessous de ça, man. C'est une question d'attitude, je sais pas, mais je pense que John Cooper, il a l'air d'être rough un peu, puis même que je vais mettre en doute un peu les méthodes de travail de John Cooper, parce que Steven Stamkos, là, je veux savoir pourquoi ce gars-là il a pas commencé à négocier son contrat encore avec le Lightning. On sait qu'il va signer 80 ça, millions. C'est le directeur général. Ouais, mais c'est parce qu'il y a une décision. What's the problem? C'est parce quoi? Que, soit tu y vas avec lui, puis après ça, il faut peut-être que tu te débarrasses de Johnson ou Palat ou Kucherov ou ces gars-là. Il va falloir you're gonna have to give something. Il va falloir que tu te débarrasses d'eux autres. Fait que tu veux-tu signer ce gars-là et mettre tous tes yeux dans le même panier ou tu veux garder tes trois jeunes? Ouais, mais des gars comme Stamkos, là, c'est tu peux pas pogner ça via en transaction. Ouais, mais encore là, il n'y a jamais. Ben oui, avec une grosse transaction ou un échange de besoins. Ouais, puis... mais c'est rare que ça va arriver qu'un gars de cette ampleur-là va se faire échanger. Puis quand tu l'as déjà dans ta cour, Ah, c'est sûr, t'essaies de le garder, mais en même temps. C'est ça, faut que tu sacrifies ta jeunesse ou tu mets tes yeux dans le même panier. 80 ouais. millions, c'est chiant tabarnak. C'est chiant tabarnak, mais tu sais. Puis là, t'as Palat qui arrive, t'as Johnson, t'as Kucherov, t'as. Le Chicago ont été capables de garder des gars comme Taze puis Kane. Drouin aussi, là, c'est qu'ils ont comme ciblé leur noyau puis ils voulaient comme garder ça va être notre team puis on va toujours garner ces joueurs-là autour. Mais l'affaire, ça sonne tellement pas clair ce que j'ai dit. Mais pour venir à Drouin. Je comprends. Drouin a été comme. Excellent dans la Ligue junior majeure du Québec, on s'entend. Mais il a gagné la Coupe Memorial. Arrêtez avec ça, parce que junior, ça veut rien dire. Dans c'est la ça, mais écoute, s'il était repêché troisième au total. Un bon potentiel. Cette année-là, c'était un repêchage qui était écœurant aussi. Un repêchage. Il y avait des bons joueurs qui étaient disponibles dans ce repêchage-là, puis Drouin est sorti troisième. Dans le fond, il y a eu son chum McKinnon qui est sorti premier. Deuxième, je pense que c'est Barkov. Puis après ça, c'est Drouin qui est sorti. Drouin, le potentiel que je crois en ce gars-là, c'est qu'il pourrait être un genre de Claude Giroux. Moi, d'après moi, c'est ce qu'il pourrait être. Puis si on regarde les stats de Claude Giroux, il a fait à peu près 30 points dans ses 2-3 premières années. Puis à un moment donné, le DG, ce qu'il a fait, c'est qu'il a changé Richards puis Carter, puis il a dit « Giroux, tu vas être mon centre numéro 1 ». Puis là, whoop, il a explosé. Il a fait, je pense, 70 points. Ouais, mais points. Le kid, là, il a 84-89 matchs sur la cravate. Il a 10 buts. Moi, je sais, mais il a joué sa quatrième ligne à Tampa Bay, tu sais. Je comprends. Puis Cooper, il le faisait jouer, genre, même pas 10 minutes par game. Ah, mais tu vois que c'est pas une méga vedette en devenir. Je peux pas croire ça. Il aurait déjà semi-explosé un peu plus que ça. Il a un méchant bon potentiel, c'est juste qu'il l'a pas encore trouvé. Il l'a pas encore prouvé. C'est une prima donna, mais c'est parce que. Y a-tu un problème là-dessus, le kid? On sait pas. Ben, je vais vous mettre dans une situation, mettons, de tous les jours, vous à job. OK? Mettons que toi, là, tu détestes ton boss, puis ton boss, t'arrêtes pas de te faire chier, puis que t'es malheureux chez toi. Tu sais, quand tu rentres chez vous, t'es comme, calice, motivé. Parle de moi. Non, mais je donne un exemple, mettons, dans la vie de tous les jours. Nos auditeurs peuvent peut-être comprendre aussi. T'as-tu le goût de rester travailler avec quand que ton boss te donne tout le temps de la merde puis que, dans le fond, il dénigre puis tout ça? Mais quoi, c'est arrivé à partir du jour 1, ça? D'après moi, oui, parce que à partir du jour 1, ils l'ont collé ici dans les Ligue junior majeure du Québec quand que lui pensait faire le club. C'est parce que ouais, mais ça, là... Pour de vrai, c'est toi, bite the bullet. Parce que t'es un joueur professionnel, tu vas aller jouer dans le junior. Prends ton trou. Ouais, c'est ça. Ouais, mais va jouer dans le junior. Le pays, c'est que, excusez-moi si je me trompe, là, peut-être quelqu'un pourrait me corriger. Il n'y a pas bien premier choix. Cette année-là, son camp d'entraînement, il a bien été. Moi, je pense qu'Ice Human l'a retourné dans les juniors majeurs du Québec parce qu'il ne voulait pas avoir un an qui rentre tout de suite dans son contrat entry level. Mais même si ça, c'est le cas. Mais t'agis en tant que joueur professionnel, surtout dans ton équipe junior, tu fais ce que t'as à faire. Là, regarde, là, ils t'ont décidé de retourner dans AHL, mais prove them wrong. Tu sais, ça veut dire, vas-y là, puis brûle la ligue, calice. Mais ce que Eisenman, il aurait dit à son agent, puis à lui, c'est que je vais te retourner là en conditionnement. Comme là, j'ai dit, si ça, c'est vrai, mais là, ils ont raison. Si Eisenman, il aurait promis quelque chose, puis il dit, je veux juste que tu vas te remettre en forme, je vais t'échanger, puis en fait, tu comptes, il veut jouer des games et games, puis il dit, bon, ben l'échange est proche. Puis en fait, quand tu dis, je me blesserai pas, là, je vais être échangé. Fait que s'il se blesse, il sera pas échangé. Fait que le kid, il y avait une décision à prendre. Mais ça, c'est l'agent mais qui a ça, dit en ça. Même temps, mais sûrement que l'agent, il est conseiller jeune. Je sais pas pourquoi que le jeune donne des ordres à l'agent qui a comme 20 ans d'expérience dans le domaine. Avoir peur de jouer et te blesser. Mais je sens une crise de saga pour un jeune qui est arrivé dans la ligue. Ça fait combien d'années l'année passée, man? 3 ans. Ouais, il y a 20 ans. Ouais, mais la raison pourquoi on en parle beaucoup là, c'est parce que c'est un Québécois. Puis il y a des rumeurs qui concernent le Canadien. Il était repêché l'année de McKinnon, c'est-à-dire en 2012. Bon, fait que ça fait, c'est ça. Ça, non, excuse-moi, 2013. Il était repêché en 2013. Ça fait 3 ans, mais il n'a pas joué première saison. Là. Non, il était retourné avec les majeurs du Québec. Bon. Il a brûlé la ligue. Puis après ça, beaucoup trop. Un jeune qui n'a rien fait encore. Un joueur de hockey qui ne veut pas jouer parce qu'il a peur de se blesser. Je m'excuse, c'est ça le hockey. Là. C'est pas que parce qu'il a peur de se blesser parce que dans le fond, il ne veut pas comme affecter l'échange parce que d'après moi. Dit son agent. C'est ça que son agent joue a dit. Joue pas parce que tu pourrais te blesser. Hey, tabarnak, je vais pas jouer parce que je vais me blesser, Chris. Ok, c'est bon, je jouerai pas, je vais me blesser. Ouais, mais l'info qui est sortie, puis je sais pas si c'est vrai. Est-tu fragile, est-tu fait en verre, asti? Non, mais tu peux pas savoir ce qui s'est passé. Ce qui est arrivé apparemment, là, c'est que dans le fond, Alan Walsh, lui, a commencé à discuter avec les équipes qui auraient eu de l'intérêt pour Drouin. Mettons les Blues, les Ducks, Minnesota, Montréal. Puis après ça, Walsh, il est en train de faire du PR pour dire à Eisenman, « Hey, garde ce club-là, ils sont prêts à payer tant. » C'est comme si Walsh négociait pour Eisenman, puis Eisenman, il était en tabarnak à cause de ça. Ouais, mais là, ça doit être commun, ça, dans la ligue, que les agents vont aller scouter toutes les équipes pour voir l'intérêt. Ouais, mais puis... tu sais, mettons que l'agent commence à négocier ton propre deal qui va dire, garde, ça donne rien. Ça fait parfait temps. Là, puis tu vas avoir tel joueur. C'est pas nécessairement dire qu'Eisenman, c'est ces joueurs-là. Ouais, mais ça, moi, je serais directeur général, l'agent fait ça, je m'en calisse. C'est comme, ah, oh, good, m'en calisse. C'est ça qui est arrivé, puis Alan Walsh, en fait, il s'est dit, hey, garde, il y a un deal qui s'en vient. D'après moi, tu devrais pas jouer parce que je pense que le deal va se faire les prochains jours. Il m'a conseillé, peut-être. Non, peut-être. Ben, Alan Walsh, on sait tout que dans le fond, c'est un épais. Le gars, il pas de prison, man. Ben, ça pourrait arriver. Il est temps qu'il change, tu sais. On verra le courant de l'été, mais moi, personnellement, si le prix est raisonnable, je prendrais une chance sur Drouin parce qu'on n'a pas de prospect qui a du talent. Une chance sur Drouin, mais tu sais, je ne vais pas commencer à les risquer tout. Non, Bergevin ne fera pas mais ça. Non, mais il vaut pas, mettons, un Galchenyuk ou un Gallagher. Là. Ça vaut. Tu sais, le gars, il ne produit pas. Ouais, mais il n'a pas fait ses preuves. Eisenman, là, il va chercher la grosse totale. Eh oui, parce qu'il va se dire, c'est quoi? C'est un troisième choix repêchage? Puis moi, je vais aller, gros potentiel. Je vais aller chercher de quoi d'intéressant. Je vais aller chercher un équivalent minimum. Ben, c'est pour ça qu'il n'y a pas de deal, parce qu'il n'y a aucun club qui va payer pour ce qu'il veut. Qu'il soit établi. Mais Eisenman n'est pas pressé. Il s'en fout, il ne paye même plus. Puis il voudrait. Il n'est pas pressé, mais je pense qu'il paraît un peu mal là-dedans parce qu'il pourrait se retrouver l'année prochaine à Eisenman à avoir perdu Stamkos puis Drouin, qui est présentement son meilleur prospect. Il ne perdra pas Drouin. Oui, ah, il va l'échanger contre quelque chose d'équivalent. Il va l'échanger, sinon il ne payera pas. C'est fini, ça. Mais... Il va perdre Stamkos, il va perdre son meilleur prospect qui est Drouin, parce que ça, c'est la seule, je pense, dans les 5 dernières années, c'est la seule année que les Tampa Bay ont fait les séries, puis ils ont repêché Drouin. Puis tout le monde disait que Drouin, ça serait le remplaçant de Martin Saint-Louis. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de problème à échanger Saint-Louis. Ben, tu sais, t'as Le Cavalier qui est parti, t'as Saint-Louis qui est parti, t'as Stamkos qui va peut-être même pas signer, t'as Drouin qui a demandé d'être échangé. Ça pue à Tampa Bay. C'est-tu Eisenman qui l'a repêché? T'as pas là, Johnson. Drouin, il était-tu en poste? Ouais, il était en poste. Fait que ça pue. Admin. Il y a quelque chose qui se passe à Tampa Bay, puis c'est louche. Puis Eisenman, présentement, joue sa job. Parce que s'il perd Stamkos, je pense pas que ça ira. Moi, c'est pour ça que je me demande. Parce que c'est un francophone. Ouais, man, juste, on va le tuer, man. Après ça, Montréal, ça va le démolir, ce petit Chris-là, man. Mais je me demande, moi, ce que Bergevin pense de tout ça. Il y a des divas de calice. Oui. Marc, écoute, je vais te dire, tu sais, quand je t'avais ici en milieu. Écoute, Marc, écoute, Steve. Écoute, Steve. On prend ça un appel? Ben justement, le podcast est fini, mais on va terminer sur quelque chose d'assez comique. Vous connaissez tous Jacques Fabi? Oui. Fabi la nuit. Le célèbre animateur de Fabi la nuit qui reçoit tout plein de gens en entrevue par téléphone. Fabi la nuit. Des astis de fucking. Des gens pour le moins intoxiqués, échevelés et autres autres états d'esprit. Gros crise de speed. Aujourd'hui, je vous propose une petite affaire qui s'est passée cette semaine. On va l'appeler Carole, la femme saoule, qui appelle Fabi. Sur le coco. Non, il appelle complètement sur la boisson. C'est magique. C'est une minute de magie. Alors, je propose qu'on finisse le podcast là-dessus. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, ben, bonsoir, madame. Bonsoir. écoutez, j'ai entendu votre conversation. Bon, le gars qui vient de parler du pot, puis l'autre qui parlait du Canadien. Ben, à propos du pot, on ne peut pas appeler ça vraiment une conversation. Et qu'est-ce que vous voulez me dire exactement, madame? D'accord. Mais moi, ben, parce que le Canadien... Écoutez bien, là. On a beau dire Michel Therrien. Mais Michel Therrien, il est... Je dis pas qu'il est pas... oui, c'est ça, c'est lui qui entraîne les gars, puis qui est go, guys. Mais tabarnak, si les gars, ils sont en... Bon, madame, calmez-vous quand même, là, soyez... restez polis. J'ai l'impression que vous avez bu de l'alcool, ça se peut-tu? C'est possible. Ah, c'est possible. Je vais vous laisser dégriser, d'accord? Et quand vous serez complètement dégrisé, ou quand vous aurez bu un peu moins d'alcool, ben, ça va nous faire plaisir d'entendre vos commentaires, mais là, vous êtes bien mal parti. Non, parce que ça vient de genre une affaire de Radio X ou Radio Ego. C'est comme les animateurs de ça qui ont passé ça, qui rient de ça. OK, fait que c'est, on passe quelque chose qui a été passé dans quelque chose. Yeah. Faut bien que Fabi la nuit passe quelque part à un moment donné. Sinon, il passe sûrement quelque part d'une radio. Je sais pas, je passe pas mon temps à écouter des extraits de Fabi la nuit, malheureusement. Là, mais le gars, il a parlé go, du pot. Go. Pour entendre ce qui s'est dit sur le pot, on vous invite à écouter l'épisode 41 de la Jazette. Ça va passer là-dessus tantôt pour nous à Pachias. J'ai hâte. Sorry, Alex. Ah, Chris, be there, man. No, I can't. Là, Michel Therrien, là. C'est trop sérieux pour moi, genre. Mais tabarnak, be là. Be there or be square. Elle a fait. Tabarnak. Tabarnak. Quand t'es sous les sacs, sont tout le temps mieux. Ça sort tout le temps super bien. Un beau sac franc. Là, un beau sac. Madame, un sac ou un sac? Un sac franc. Un sac franc. Madame, restez poli. Un bon sac franc. Ben, vous avez, avez-vous consommé de l'alcool? Ben, peut-être un peu. Ça se pourrait. Le petit hockey d'alcoolique. Méchante calice de tarte, ça. Ouais. Fait que ça fait le tour du podcast pour cette semaine. Suivez-nous sur... Quand on s'ostine moins et que Mart n'est pas là pour qu'on s'écoute parler, ça passe vite. Mais... C'est lui qui vient me chercher, calice. On est malade. On est deux. Non. Tout le monde vient te chercher, toi. J'ai remarqué qu'on était plus calme quand Mart n'est pas là. Mart, il vient foutre un peu le trouble, j'ai l'impression. Mart, le fouteur de trouble. Mart, la pote. Là, le Canadien, là. C'est parce que moi, il veut mettre son estime mot sur tout. La pote de la violence, là. Non, Dave. Là, tu sais, c'est tout le temps ça. Fait que suivez-nous sur Twitter et Facebook. Juste pour dire le contraire. Spécialement la semaine prochaine, comme on a dit tantôt, dans deux semaines, en fait, l'épisode va être enregistré un jeudi soir pour ne pas sauter de semaine. Jeff va nous faire un spécial dossier Bergevin. Il va sûrement avoir plein d'informations du gars qui pose de Jeep Rock chez Bergevin. Si vous pouvez être là, tant mieux. Si vous pouvez être là, ben on va être deux. Fait que ça, on va le faire quand même, le show. On va essayer de donner au moins des infos pour le moins pertinentes. Puis on te blastera au podcast d'après, au pays, si on n'est pas là. Ouais, vous allez te boucher. Sinon, je peux essayer d'avoir j'ai des bien infos. J'ai bien hâte d'être boucher, man. Whatever, on va au moins deux faire un show. Pis, toujours rêvé d'être bouché, moi, dans la vie. Couper de la viande, ça m'intéresse. Ouais, moi avec, j'aime ça. Hey, ça, là. Hey, c'est bon, là. J'espère que tu vas être plus en forme pour la jasette qu'on aura juste après que cette merveilleuse joke. Je commence à être tanné. Ah, oh, je suis plus capable. Là. Fait que ça, suivez-nous, partagez, aimez tout ce qu'on fait. Puis on se revoit dans deux semaines. À la prochaine, tout le monde. Tout ce qu'on fait. C'est long, là-dedans. Tout. À part. Tout.